Voilà le retour des meilleurs pour 2 heures de fou rire. La blague de 22h09. Il a pas de blague, j'aime du standard, cet enculé. Non, j'ai cherché. Ah, ce qui est marrant, c'est que quand même, j'arrive et je lui fais alors ça, j'aime, il y a une blague. Le mec, il me dit pourquoi tu vois, je me dis qu'il veut en faire une aujourd'hui. Et je dis il dit pourtant, j'en ai cherché, j'ai pas trouvé. Je fais ah, sinon, à chercher, voilà. C'est que tu savais. Normalement, JM du standard fait une blague. Notre standardiste de l'émission, si vous le découvrez, il s'appelle JM, ouais, Jean-Marc salut à tous, ouais. Voilà. Et normalement, il balance une blague. Ouais. Hein, bah, demain alors. Et bah oui, heureusement demain. Bah, oui. C'est tous les jours. Bah, ouais, moi je l'attendais. Hein. Voilà. Ouais, mais je savais pas. 22h09. Oh bon, Florent, en tout cas, Florent, il a 17 ans, il est Versaillais. Hein. Ça va, ça se passe ça. Versailles là, t'es bien à Versailles. Ouais. Ça va. Fait longtemps que t'habites à Versailles ouais. Ou t'es un nouveau Versaillais, genre. Ça fait, j'ai déménagé. Alors ça fait ça va faire 3 ans. D'accord, ok. Ça va faire 3 ans, ouais. Non, c'est bien. C'est bien Versailles. C'est joli Versailles, hein. C'est chic un peu, non, c'est élégant. C'est stylé. Ah, c'est, joli, ouais. Ouais, c'est un petit peu, moi j'aime bien. Belle banlieue. Non, mais c'est vrai, je suis allé 2-3 fois seulement en 5 ans, mais. Banlieue chic. Merci, j'aime ça. Merci, le mec, s'il arrive. Oh, il devient lourd. Il m'a fait merde, putain de merde. Attends. Tu veux dire un truc, j'aime ça là. J'ai l'impression d'avoir. C'est exactement ce que j'ai l'impression de jacouille. Chaque jour. Non, pas juste que j'ai. Non. Un jacouille. Respecte tes jacouilles. Non, ben... Il s'autoclash. On a acheté une petite bicoque, tu vois. Le quoi, t'as dit? On a acheté une petite bicoque, tu vois. Ouais, une petite bicoque à. C'est une maison. Mais arrêtez entre les blagues entre vous, ça marche pas. Autant qu'on avance dans la discussion, puis qu'on fasse des choses, quoi. Parce que si jamais tu me lances une blague de merde sur une blague de merde, si tu veux, ça commence à devenir malaisant. Je sens que je vais briller. Ce soir, je marche sur l'eau. Florent fait un bide. Vous êtes parfait pour bien finir la journée. Je vous aime trop. Merci ma Clémence d'Orléans. C'est merci juste. Clémence. Salut Clémence. Salut au transport Jimenez, Toulouse, Caribou du 31. Bonsoir à mon Caribou, à la cousine Lucia Inaya née aujourd'hui. Ah bravo. Les cousines nées aujourd'hui, donc c'est des petites cousines. Mmh. Bonsoir à toi. Ça en est où avec la petite Clio de TPMP? Tu l'as. Alors les gars. Ah ouais. Non mais je l'aime beaucoup. Je la trouve très. Elle a une belle bouche. Hein. Non, elle est très belle. Attends. Ah ouais. Jolie. Ouais. Je l'avais pas vu avant moi. Non. Elle est très gentille, Non mais et là, je veux dire, ça c'est du ouais, ça c'est de la Ligue 1, ça c'est de la Ligue 1 dans tous les niveaux. Ouais. Ouais. Ligue des Champions, on peut dire. Non, mais je crois qu'elle était mariée à un footballeur et tout. Ouais, non, ouais. Ouais. Ah merde, c'est qui? Non mais je la trouve très très belle. De toute façon, ouais. Faudra être aveugle pour pas la trouver belle. Ah, mais, oui. Elle est de quelle année la Clio là? Et merci James. Oh la honte, c'est gênant. Non. Oh là là. Ah, je suis gêné. Vraiment, c'est très compliqué ce soir, cette émission. Oh, j'ai l'impression d'entrer dans un bar. Et d'arriver au bar PMU, devant le rideau, de faire rentrer tous les mecs bourrés et de dire allez, les gars. La radio ensemble quoi. Guillaume et votre message aussi 112. J'adore le rire de faux des cadeaux en fond, c'est énorme des bars. Salut Guillaume de Marseille. Salut. Ouais, bah, y a que ça qui est sympa. Tout le reste, non c'est pas vrai, en plus, c'est pour rigoler. Salut, trop bon les gars. Prévoyez hein. Nuna il va péter un boulon, c'est trop bon. Salut à toi. Ah là mais demain il y a une surprise, hein, touche pas. Ouais. Non mais vraiment c'est ça va être le pire truc que j'ai fait. Je pense il ne s'attend à rien. Je vous dire que demain ça va être un gros dossier. Il y aura des blessés peut-être. Je pense qu'il y aura pas de blessés, mais je pense que l'émission va devoir se terminer plus tôt. Bah même la fin, c'est pour vous dire hein, la puissance de ma blague. Bah là forcément. Vraiment, je peux vous dire. Il faut des médicaments, il faut avoir une solution. À mon avis, ouais. Un médecin. Dédicace à tous les chauffeurs de Lactalis qui roulent la nuit, bah ils transportent Denis. À vous, t'aimerais bien. Non mais les gars, arrêtez. Élégante, hein. On verra bien. Pas son numéro. On verra là où la vie nous mène. Si j'ai son numéro. On l'appelle un jour. J'ai un pote qui a baisé sans capote, il doit faire un test. Assez con ça. Ah ouais. Ça c'est trop bête parce qu'un coup de tub. J'aime du standard, on sait quelque chose. Un coup de tub, c'est vite parti. Grave. Et ça peut vous amener plein d'emmerdes. Hein. Évidemment. Ouais. J'ai un stagiaire, t'as déjà pris toi un coup de queue Jamais de la vie, personne n'aime de coup de queue. Salut à tous les Warren et Chou. Dédicace à la team GLQ. Bonsoir à tous les gars. Bon, salut. On va peut-être commencer le sujet parce qu'il est 22h. Ouais, on est bien, on parle. On se dit bonjour pendant 15 minutes. C'est quoi. Ça. On est poli. Bon, Florent de Versailles. Hein. Bon, on parlait de Versailles justement avant. Ouais. T'habites dans un appartement, dans une maison, t'es comment toi? Dans un appartement. Salut à tous les mecs de là-bas, hein, représente-toi. Bisous. Tous les mecs, on pense à vous, tous les gars qui sont en appartement représentent comme moi, voilà, tous les. Qu'on appelle on appelle pas les appartementiers. Ouais, non, on dit pas. Mais dédicace à tous les mecs qui habitent en appartement, ouais. Bon courage à vous et on pense fort à vous. Je suis pareil que vous. Appartement, je viens c'est genre ouais, maison ou appart hein. Toujours j'aime appartement. J'aime du standard. Appart. De toute façon, c'est un peu con quand on est à Paris, soit tu es milliardaire. Il y a des maisons à Paris, oui. Ouais, non, mais vraiment, c'est ce que je dis. faut être milliardaire. Ah, oui, ou... ouais, j'avoue. Je vous adore, RIP, In Peace, mon PC. Salut les gars. Je suis à l'hôpital, je suis Emma, la fille qui t'a parlé sur Skype. Je n'ai pas parlé sur Skype, ma chérie. Alors faites attention, ah, ouais, s'il vous plaît. Alerte. Alerte à Malibu, comme dirait James Sandard. Non, mais ah, ouais, vraiment, et franchement, arrêtez les gars. Non, mais il y a alerte, franchement. Et encore aujourd'hui, il y a même des profils Instagram qui prennent des photos de moi avec des iPhones et qui font croire qu'ils en offrent si vous appelez des numéros, ouais, surtaxés. Je n'ai pas Skype, voilà. Donc c'est pas moi. Si un jour vous avez parlé sur Skype, c'est pas... Mais vraiment, les gars, faites attention que. Il n'y a pas un mec qui vous demande des trucs, des c'est codes, des photos. J'en sais rien. Sérieux, pas des fakes, donc que ça à faire. Des escrocs. Je n'en ai aucune idée. Voilà. On va mener l'enquête. Mais bon, si tu pouvais arrêter, connard qui fait ça, ça me fume. Non, mais imagine. Il n'y en a pas qu'un. Emma qui est à l'hôpital et croit me parler tous les soirs. Ah, la pauvre. Ma chérie, ce n'est pas moi. Je n'ai pas. Je suis que sur le Facebook officiel. On est 1 951 000. Avec la petite virgule, ouais. Et il y a la petite virgule bleue qui prouve que c'est le compte certifié ou sur Twitter ou sur Instagram. Voilà, c'est, ou sur Snapchat aussi. Mais tout le reste, c'est faux. Julia, toi, qu'est-ce qu'il y a, Fricado? C'est arrivé à un mec avec. Tu veux pas te racler la gorge? Non, la glaire. Le vieux, quoi. Non, c'est mal parti. C'est arrivé à un mec avec Katy Perry. Il a cru pendant 6 ans qu'il était en relation avec elle, wow, parce qu'il y a une fille qui s'est fait passer pour elle, non, pendant 6 ans. Oh là, le bâtard. Ça, c'est salopard. Ouais, vraiment. Parce Katy Perry. Julia, toi, t'es joueur à tromper en général quand t'es en couple ou pas? Franchement, non, non. Pour moi, la fidélité, c'est assez important. Enfin, ouais, ok, ouais, super. Non, non, vraiment. Ouais, mais d'accord, il ne faut pas faire la ravage. Non, non, tout, mais. Tu l'as fait quand même. Ah, t'inquiète. Tu parleras plus jamais. Alors, non, Florent qui est là de Versailles, tu voulais raconter. Tu t'étais battu, hein, c'est ça, Florent? Mais. Encore, figure-toi. Attends, on peut faire une phrase correcte, Florent, parce que je t'entends mal, je te jure. Attends, je monte là un petit peu le volume de ton téléphone. Explique-moi. Alors, les plus grosses bagarres, c'est marqué ça sur ta feuille. Qu'est-ce qui se passe alors? Alors, en fait, l'histoire. Putain, ouais, l'histoire à la con, pour. Ouais. En fait. Ça rigole d'ailleurs. Non, il n'y a que toi qui rigole, en fait. Hein. Et personne rigole, okay, justement, parce que tout le monde a envie que tu expliques ton histoire. Et du coup, en fait, je fais du foot, tu vois. Ouais. Enfin, j'ai 17 ans, je fais du foot. Et à un match, j'ai joué contre une autre équipe adverse. Et dans cette équipe, ouais, adverse, il, ouais, y a un mec qui est dans le même lycée que moi. D'accord. Et en fait, on a fait un mauvais tacle et tout ça. Enfin, sur la con, mauvais tacle. Et en fait, il s'est énervé. Et du coup, il m'a dit, bah vas-y, tu casses les couilles, blablabla. Moi, je commence à m'énerver aussi. Il m'a dit, tu sais quoi, on va régler ça demain au lycée. À la sortie, on va taper. Et moi, je dis, sur le coup, généralement, je fais, vas-y, pas de souci, on va régler ça demain, tu vois. Et figure-toi qu'en fait, maintenant je me pisse un peu dessus, mais je ne vais pas passer pour un coup, parce que moi je me suis jamais battu. De deux, il est pas trop mal musclé, tu vois. Ouais. Et de trois, il a pas mal de postes. Après, moi, ça m'est arrivé plein de fois dans ma vie, des mecs qui voulaient me casser la gueule, ouais, et jamais personne n'est venu. Hein. Ouais, ils oublient. À part une fois, quand même. Non, c'est, en fait, ouais, ça peut, ouais, arriver. Mais il faut pas le relancer. Non, mais en fait, le problème, non, c'est qu'il y a des mecs, ils ont 13 ans, c'est des vrais dangereux. Ah bah, ouais, des barbares. Mais moi, c'est vrai, dans mon bahut, franchement, il y avait des. Ça se tapait, mais, ah ouais, de violence. Ah ouais. On va se raconter vos plus grosses bagarres, etc. Est-ce que ça vous est arrivé de vous retrouver, de vous faire taper, de vous retrouver dans une embrouille, vraiment les moments où ça a tapé fort. Guillaume, et votre message avec votre numéro au 612, on se fait juste après. On va, il y a, putain, il y a Guigui de la Régie qui va nous faire écouter des sons, on va se faire le jeu du plus ou moins. Il y aura aussi, il y a une photo sur Facebook, j'ai, ouais, vu ça, tu l'as mis la pieuvre, ouais, violette. La pieuvre, Guillaume. C'est énorme, il y a une magnifique pieuvre qui fait le buzz là, c'est un petit, ouais, poulpe en fait qui est violet fluo. Et on dirait un personnage de dessin animé. Je vous le mets sur mon Facebook là, Guillaume Play, P-L-E-Y, et on se fait soprano, on se fait en feu sur Énergie. Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Je suis en feu. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Je suis en feu. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Je suis en feu. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Je suis en feu. Ou comme les trois petits à 6h du mat sur mon lit. Je suis en feu. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regarde.

samedis de 22h à minuit. C'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Allez à l'antenne, on est de retour sur Énergie les 22h29. Je garde là, je suis le chasseur, t'es là, ça va être ça, seul je vais finir ma soirée. J'ai trop bu, je fais ma soirée, croire qu'on m'a jeté un sort. Aujourd'hui tout passe, hier ça a tiré. Y'a personne dans le quartier. J'ai tourné tout seul comme un fou dans les rues de Marseille. Je vois les gens essayer d'en tirer. Ils voulaient me la faire à l'envers. J'ai mis un petit tweet là sur Twitter à l'instant pour dire que si j'avais 3000 retweets, j'emmenais une boîte. Voilà, je vous explique, hein, de surstreaming, c'est la matière qui sent le plus fort au monde. Ah ouais. Je l'emmène de 1 parce que si elle ne me croit pas que c'est hard. Voilà, je vous dis, quand on a parlé avec Cyril Hanouna, il ne me croyait pas que c'était, ça sentait vraiment fort. Donc je lui dis, écoute, si j'ai 3000 retweets, demain j'amène dans Touche pas mon poste une boîte de surstreaming. Verra, hein. Ils vont comprendre que le plateau va être évacué, mais enfin, non, mais sérieux, ils n'ont pas l'air de me prendre au sérieux là-dessus. Donc, voilà, je compte sur vous pour aller flot des cadeaux, t'es d'accord que ah c'est oui, violent c'est, ça va être affreux. C'est affreux. Mais ça va être très drôle à regarder. Ah, mais ça va être hard. Ah là, ça va être magnifique. Donc voilà, soyez là demain. Et puis 22h minuit, demain sur Énergie, on fera le débrief justement. On sera là. Si on est là. À bien rigoler. Vous êtes vraiment au top, les gars. Vous déchirez tous les soirs. Guillaume, j'aime beaucoup le top. Merci beaucoup, ma chérie. Salut Emma, bisous. Roman du 59, salut à toi. Salut. J'aime déchaîner ce soir. Ah, j'aime merci. Du standard. Ouais, on est là. Je peux plus m'arrêter de rire là. J'aime fort mon Marseillais préféré. Joule. Salut Emma, la team Yoplay. Gros bisous à toi. Là. J'adore les blagues de merde de JM. Voilà. Merci. Ça sent le surstreaming sur le plateau TPMP, ça salue Thomas de Vernouillet. Ça va sentir pendant 2 mois, les gars. Ah il faut oui. vraiment savoir. Hein. Plus, je te suis depuis pas mal de temps et j'aime ce que tu fais quand tu dis comme ça avec les autres de ton équipe. Eh ben, gros bisous à merci. Toi. Merci. Vagin du standard, comment ça me manquait. Salut à toi, Vanda. Salut, Quentin de Mesda. Salut. Et se dit Mesdag. Salut, Mesdag. Salut, Mesdag. C'est pas une blague comme le lion. Ah non, PDG du 78. Je te jure, j'en avais une boîte demain. Si j'ai 3000 retweets, je le dis, je le tiens. Hein. Refais une émission avec la boîte qui pue et que Flo a vomi. Salut, salut Ernie. Ah bah c'est ça. Ah bah c'est ça. Ouais. Eh ben, c'est ça, voilà. Le surstreaming. Complètement. Donc demain, j'amènerai dans Touche pas mon poste. On va voir si ça fonctionne. Hein. Si j'ai 3000 retweets, je le fais. Ça peut que marcher, en fait. Parce que... Ah, j'espère que ça va pas me foutre des emmerdes. Ça c'est un truc qui va me faire encore un sur tous les blogs. Ouais. Voilà, on va voir ce que ça donne. Mais enfin bon. Salut Guillaume, gros baston dans un bar. Moi, il m'est arrivé une histoire de fou. On parlait des grosses bagarres dans lesquelles on a été impliqué une fois. Vous êtes très nombreux à nous appeler. Hein. Je vois le standard et plein d'appels et tout. C'est, vous êtes en train de me le faire exploser, ce standard. Faites-moi fumer le standard. Faites-moi fumer le combiné de Flo des cadeaux. Ah ouais. Fistez-moi ce téléphone. Ouais, là, alors, tu m'entends, Florent, là? Ouais, je t'entends toujours. Florent, qui est de Versailles, tu t'es retrouvé dans une... Enfin, t'as peur de te retrouver dans une énorme bagarre où ça va taper sévère, quoi. Bah là... On se raconte. Attends, on se raconte. Je comprends. Hein. Franchement, moi, ça m'est déjà arrivé de mal dormir. Ah bah oui. En me disant, putain, demain, je vais me faire taper. Fais chier. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Parle-en ton père, au pire. La plupart du temps, c'est quand même du mytho. Mais ça peut arriver, ça soit vrai. Quoi. Au pire, ça dépend. À Versailles, je sais pas ce que c'est. Il y a un qui m'y... On t'entend un peu mal, mon poteau. Je crois que tu captes plus très bien, là, depuis que t'es. Quand t'es arrivé, c'était bien. Et puis là, tu captes plus, Florent. Là, tu m'entends, là? Ouais, bouge plus. Tu sais, il y a un quartier militaire à Versailles. Ouais. Donc, avec lequel je viens me défendre là-bas. Je viens de stagiaire, ça t'est déjà arrivé, pareil, de retrouver dans une bagarre vraiment violente? Bah, j'ai failli me battre ces vacances, en fait. Ah, c'est vrai? Je t'ai pas expliqué. Mais j'ai failli à cause de moi. On n'a pas encore raconté ces histoires de vacances. J'ai mêlé mon beau-frère, ma sœur, tout le monde. Hein. En fait, croyez les sœurs, c'est pas une grosse bagarre non plus. Le mec en face, tu l'as pas vu, c'était un genre de russe polonais, je sais pas quel pays. Ouais. En fait, on faisait une bataille de glaçons. Ah, mais c'est vrai, tu m'avais commencé à me dire. Tu m'as dit, je te raconterai longtemps. Je suis pas très cher. En fait, on faisait une bataille de glaçons à table avec ma famille et à un moment donné, je me prends un glaçon sur la tempe. Ouais. Moi, pour riposter, je vais un peu. Je mets la surenchère, je prends une moule de ma sœur qui avait. Enfin, la moule. C'est ma assiette, hein. Elle mangeait une moule, hein. Tranquille, attends. T'as pris la moule de ta sœur. Je suis le chasseur, t'es là. Tu cherches le matin. Tu l'as dit, tu l'as dit. Elle a pris des spaghettis au moule. Un truc de vacances. Tu nous fais genre. Non, c'est un resto de plage, spaghettis au moule. Du coup, je prends. C'est très bien qu'en disant j'ai pris la moule. Non, j'ai pas fait exprès. Et lui, vraiment, c'est un buzzer. Mais tu sais que je réfléchis pas quand je parle. Le mec, là, c'est une télé-réalité. Mais non, arrête de dire ça, m'insulte pas. Tu veux passer partout. Non. Du coup, moi, je prends la moule pour balancer sur le mec qui m'a balancé le glaçon. Ouais. Ça atterrit sur le mauvais mec, sur le sort de polonais russe de la table d'à côté. Ouais. Là, je m'excusais parce que j'ai vu que j'ai fait une connerie. J'avais un peu bu, mais forcément, tu vois, je suis encore serein. Ouais. Et je touche le mec. Je lui dis ouais, désolé, sorry. Et le mec, il se lève, genre tu me touches pas. Et là, sa femme, en 2 secondes, elle le calme. Mais il était vénère, chantait dans ses yeux qu'il voulait me taper. Et tout le monde s'est levé, même ses potes, les mecs russes un peu, on savait pas qui c'était. Donc, Et voilà, juste ça. Quoi. Et t'as flippé, parce que tu as mis la moule dessus. Ouais, sur une chemise, il a une chemise blanche, un daron, tu vois. Mais et tu as fait une trace. Bah ouais, je suis désolé, le mec. Je non, mais aussi, tu cherches, franchement, moi, ça me fait un peu. J'étais un peu tactile, et il a pas kiffé que je le touche. Et direct. Donc, tu as dit quoi? Sorry, je suis touché l'épaule, tu vois. Ah. Et je parle pas anglais très bien. Et lui non plus, il était bourré, il se lève, mais genre 2 mètres, le mec, mais je te jure, pas un cliché. Et du coup, tu t'es écrasé, ouais. Ouais, sa femme était là. T'aurais dû. Ouais, j'aurais il paye your drink. Ouais, il paye your drink, mais ouais, j'ai. C'est vrai, ouais, oui, j'ai pas le réflexe. Moi, franchement, c'est le minimum. C'est le minimum. Ouais, je l'ai pas fait, mais. Qu'est-ce que vous voulez, je m'excuse. Imagine si. C'est mon anniversaire, j'ai bu un verre, excusez-moi, j'ai jeté une moule. Bon. Ah, mais franchement, la honte, quoi. Mais bon, c'est vrai, s'il sortait après, tu vois, c'est relou. Bah, c'était à midi, mais il avait une belle chemise. Ah, c'est à midi. Ouais, c'est à midi, tu vois. Et bataille de glaçons, et moi, je prends une moule, tu vois, pam, et ça tâche la moule. Et je te jure, le mec, j'ai vu sa tâche direct, je suis allé le voir, désolé. La moule de ta sœur était pleine. Non, mais je suis con de dire ça, mais c'est vrai, elle avait un plat de moule avec un plat là. Ça arrive. J'aime cette histoire-là. Ouais. Une histoire avec la moule de ta sœur. C'est marrant, j'ai pas pensé à ça en fait. Ouais. Tu t'es pas battu en fait, Non, presque. Non, mais heureusement, j'ai échappé au pire. C'était une presque bagarre. Une presque, mais j'ai eu chaud quand même. J'ai été presque viré. Après, je suis allé me baigner. Une presque bagarre. J'ai mis standard pareil. Moi, pareil, c'était en soirée en fait cet été. Et c'est un de mes potes. Au tout début de la soirée, il était 2h. Il a lâché une ta gueule à un mec. En fait, je sais pas pourquoi. On était en train de boire des coups et tout. Et je crois qu'il lui a marché sur le pied. L'autre, il lui a cherché la merde. Et il lui a lâché un gros ta gueule. Mais voilà, ça, tu peux pas le dire à n'importe qui. Le mec, il connaissait même pas. Et donc, direct, moi, j'ai vu que ça commençait à s'envenimer. Je suis venu, j'ai calmé le jeu. Et après, nous, on est parti en fait au bar avec un autre pote. Et le même mec, il s'est embrouillé, il s'est tapé avec un autre mec. Pas de chez moi. Ouais. Donc, c'était un mec qui cherchait un peu la merde, quoi. Ouais, ouais, j'ai rien compris. T'as compris, j'ai déjà. Ouais, vite fait, il va ta gueule. Voilà. Il s'est battu, mais pas avec mon pote, avec un autre mec. Ouais, c'est ça. Il cherchait la merde. Voilà, c'est ça. Voilà, ouais. Une baston en Espagne, appelle-moi Guillaume Le Chez 5 fois chez ACPE à cause de bagarres et tout. Julia, tiens, qui est une fille. Ouais, est-ce que tu t'es déjà bagarré Bah oui, tout à fait. Mais en fait, je me suis un peu fait. Tu t'as fait, Guillaume. Tu fais bien de me demander, tu t'as fait. Moi, je me suis pas battu, mais la fille voulait absolument se battre avec moi. J'avais un copain donc qui est sorti avec une fille. Et cette fille-là pensait que je voulais me faire. Ah mais toi, t'as un copain, t'as une copine. Ouais, sérieux, c'est une fille, quoi. Ouais, c'est et donc la fille. La fille est rentrée dans notre groupe d'amis, pensait que je voulais me faire son mec, alors que pas du tout. Et donc un jour en boîte, elle était un peu bourrée et tout machin. Elle m'a pris son verre et me l'a renversé sur la tête. C'est et là, vrai c'est parti en. En sucette et tout, c'est quoi ces amis débiles c'est carton, débile. Ah ouais, c'est vraiment débile quoi. Débile mental. C'est vraiment aller chercher des emmerdes pour rien quoi. Ouais. Ouais, la première prochaine fois que tu dis ce mot, par contre, tu es renvoyé. c'est pas là pour tout le monde. Hein. C'est les noises, dernier qui a des expressions, c'est Julien Foucault. Mais lui, c'était en 69. C'est de la poussière. Hein. Encore, il était à la mode. Alors, attends, il y a du monde qui appelle. Vous êtes hyper nombreux à nous appeler. Il y a Alexandre qui est là, 17 ans de Tremblecourt, voilà, dans le 54. Salut. La Meurthe-et-Moselle, ouais, vers Nancy. Salut, salut Alexandre. Salut Guillaume, salut toute l'équipe. Enchanté Alexandre. Salut Alex. Salut, salut. Ça va ou quoi? Tranquille Alex, 17 ans. Ouais, ça va et vous? Ouais, tranquillement. Ça va, ça va. Écoute, on est là. Tranquille. Ok. C'est la journée de la. C'est quoi, j'essaie de dire? De l'alphabétisation. De l'alphabétisation. Pour la lecture et l'écriture. Oh. Voilà. Déjà, j'ai pris des textes sur internet, on a imprimé des textes. Je viens de stagiaire, j'ai besoin, tout le monde va les lire. Ouais, putain. On aura le collier électrique autour du bras. Dès qu'on fait un bug, on prend un coup de jus. Ah bah direct, on va le faire après. C'est la journée de l'alphabétisation. Ça fait longtemps les colliers électriques. Ouais, ouais. Merci. C'est notre calendrier à nous. C'est notre calendrier parlant. Nous sommes le 8 septembre 2016. Merci beaucoup. C'est l'éphéméride. Hein. C'est ce qui fait le mieux. Alexandre, 17 ans. T'es en quelle classe d'ailleurs, poteau là? Bah là, j'ai terminé le lycée en fait. D'accord. Donc là, du coup, tu vas passer en quoi? Enfin, tu vas faire quoi? Bah là, je suis à la recherche d'un emploi. D'accord. Okay. Dans quel domaine? Bah dans la restauration. D'accord, okay. Plutôt serveur, plutôt cuistot. Est-ce que... plutôt dans les cuisines, ouais, ça serait un peu mieux. C'est là, parce qu'à chaque fois que je pose une question, je fais. On dirait un homme politique un peu. Prendre l'air. Tu sais, t'as l'impression que je te pose une question, comment redresser la France? Et là, c'est juste, tu fais quoi dans la vie? Je cherche du boulot. On dirait que t'es sous bouteille, tu sais, de plongée. Ouais, ouais. Bon, ça va, Alexandre? Ouais, ça va. Ah, tu as fait un petit peu. Ah, c'est bien. Tu fais du sport un peu à côté, Alex? C'est énorme, t'es énorme. Il est fort, il est fort. C'est parce qu'il y a des tics. Hein. Ouais. Chaque personne a une façon de parler très différente, c'est dingue. Hein. Peut-être qu'il est sous l'eau. Ouais, non, tu sais. Oh non. Excuse-moi, Alexandre. Alors, donc, tu faisais quoi comme sport? Comment? Tu fais quoi comme sport, Alex? Bah, j'en fais pas du sport. Ah, tu fais pas de sport, très bien. Pas de plongée ou quoi? Pas de plongée. Oh la lourdeur du garçon. Hein. Oh, c'est dingue. Et ça existe vraiment, hein, les mecs comme ça. Non, on lâche. C'est pas que dans les films ou dans les mauvaises séries. Hein. Ouais. Non, ça peut se trouver dans la rue aussi, quoi. Ah, véritable de merde. Alors, donc, Alexandre de Tremblecourt qui est là. Donc, ça, c'est en troisième. Hein. T'as eu une embrouille. On parlait des bagarres et tout. Des fois, on s'était tapé ou fait taper. Ouais. Donc on t'écoute. Alors écoute, j'étais en troisième au collège et il y avait un petit en sixième qui cherchait un peu la merde à mes potes parce que mes potes ils étaient pas trop, tu vois, ils étaient un peu racistes sur les bords. Ouais. Et du coup, moi je traînais avec les deux et le petit il était plutôt du côté que les racistes aiment pas. Et du coup, un jour, on est passé dans les couloirs et le mec il a dit ah, tu m'as claqué. Alors j'ai regardé, je lui ai dit non, je t'ai pas claqué. Le lendemain, on était sur un banc avec mes potes. On a levé les yeux, il y avait la moitié du collège devant nous. C'est vrai ? Pour vous chercher embrouille ? Oui, pour nous chercher des embrouilles. Bah quand même, au collège où j'étais, on était 800, il y avait au moins 300 personnes. Ah ouais ? Ah ouais, c'est bon. Ouais, d'accord. 300, mais... Putain, c'était les revenants, quoi. Alors du coup, alors du coup, j'avais un pote à moi qui est venu d'extérieur et qui a dit « Arrêtez, vous êtes je sais pas combien, eux ils sont 5, venez à 5. » Ils ont pas voulu. Alors du coup, il y a les surveillants qui nous ont raccompagnés dans le hall et dès qu'on avait tous le dos tourné, ils nous ont tous sauté dessus. C'est vrai ? Oh putain, et alors, tu t'es fait abîmer ? Non, bah non, moi, dès que j'ai commencé à donner des coups, ils ont pas cherché, quoi. Ouais. Ah, parce que t'es, battu, t'es costaud, toi. Ouais, t'aimes ouais. ça ? Ouais. Les a regardés, il a fait. Il a pris sa respiration, tourné au bout. Le mec, c'est un dingue. Le mec, c'est... il respire comme ça, il joue. Ah, mais t'as, de... t'as une meuf un peu, Alexandre, ou t'es célibataire encore là ? Non, célibataire. Célibataire pour l'instant, très bien. Ouais, JM, tu as déjà battu fort dans ta vie, vraiment ? Non, franchement, non. Jamais. J'ai fait un peu de boxe, mais c'est tout. Ouais. J'en ai pris 2-3 dans la tête et c'est tout. Et, alors, et Julia, quand la fille t'a versé un... son whisky coca sur la tête, comment t'as réagi ? C'était un énorme verre en plus. Alors, moi, j'ai fait un peu la flippette. J'ai appelé ma cousine qui connaissait le gérant de la boîte pour qu'elle se fasse virer et tout. Donc, je me suis pas battue. Elle m'a commencé à me pousser. J'ai balancé. La piston, Ah, tu l'as balancé ? Non, mais c'était une petite boîte de vacances et tout. Mais juste, elle s'est fait virer de la boîte et je me suis pas mouillée. D'accord, ok. Voilà. Mais si t'étais mouillée. Oui, je me suis dit, j'étais trempée. Mais tu l'as pas rentré dedans, quoi. Voilà, ouais. Pas mis les points. Flo, des cadeaux, toi, tu jamais la baillère, toi. Non, je me suis fait casser la gueule. Je me suis battu. Ah, ouais, c'est ça, ouais. Tu cherchais le coup de poing, toi. Non, c'est pas moi. Enfin, en gros, je faisais chier un mec qui était derrière une vitre et je lui tirais un ballon dans la vitre parce que je savais qu'il pouvait pas m'atteindre. Et le problème, c'est que le lendemain, il a dit. C'est où, c'était quand ça ? C'était quand j'étais au collège. D'accord, ouais. Et le lendemain, il a dit à son petit frère qui était au collège aussi de me casser la gueule de sa part. D'accord, ok. Donc en fait, il y a un mec qui est arrivé dans la cour que je connaissais pas qui m'a mis une patate directe. J'ai pas compris. Ah, c'est vrai ? Après, il m'a expliqué que c'était le frère. Putain, c'est ouf ça. Quelle histoire ? Moi, j'ai déjà envoyé un pote défoncer deux mecs pour moi. Ah ouais, j'étais pas à la hauteur. J'étais beaucoup plus grand que les autres et il les a t'as de la chance, hein. Ouais, il était missionné, quoi. Ouais. Non, mais en fait, pas du tout, mais ils m'ont défoncé, du coup, je l'ai appelé, il les a défoncés après. C'est un peu la loi de la jungle, quoi. Ah bah ouais. C'est ça, hein, c'est marrant, ça. Alors, on se raconte un petit peu nos histoires, là. Est-ce que vous êtes vraiment en direct ? Bien sûr, on est en direct. Hein. Ouais. Il y a du foot, j'ai essayé. Il n'y a pas de match, demain soir, il y a un gros match. Il y a une actu, là, il s'est passé un truc. Il y a François Hollande qui a parlé. Ah ouais, non, mais ça, c'est ce matin, mais pour montrer qu'on est en direct le soir, parce qu'il y a toujours des mecs. C'est les mecs qui sont dans la théorie du complot de ouf et tout. Ils pensent on enregistre l'après-midi et tout. Non, il est vraiment 22h42. Et vous pouvez vous nous baiserez jamais, hein, je vous préviens. Il y a pas de complot. Vous pouvez être là du matin au soir. Non, mais c'est vrai, vous pouvez être là du matin au soir, du lundi au vendredi. Je vous jure que dès que j'allume le micro, c'est que c'est du direct. Hein, voilà. On est bien en direct, bonbonne de gaz dans une voiture à Paris. Trois femmes interpellées, dont une blessée grave. Ah, ils ont été arrêtés. Ils se sont défendus alors, c'est les blessés graves. Bah, trois femmes en plus, ouais. Ils ont dû. Ah ouais, putain, ils ont été arrêtés à Évry. Ouais, en 9. Ah ouais, un 260 interpellations en lien avec des terroristes depuis le début de l'année. Putain, c'est beaucoup. Bon, en tout cas, merci les mecs d'être avec nous. On va se faire le collier électrique. On va parler de bagarre. Est-ce que vous avez déjà retrouvé dans une grosse là où ça a tapé vraiment là. Et on a des colliers électriques. Je vais les mettre à l'équipe. Oh là là. Oh merde. Tous les textes, ils sont là. Ouais. Je vais vous demander de lire un texte de loi sans faire de faute. Oh là là. Un texte de loi, c'est avec des mots bizarres, non ? Rappelons que la politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune, qu'elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires, que l'Union peut y avoir recours pour des missions visées à l'article 28B du traité de l'Union européenne en dehors de l'Union fait. Ah, mais c'est sûr. Voilà, c'est possible. Ouais, c'est possible avec le collier accroché. Attends, mettre corbeau sur un arbre perché, je vous ferai peut-être une. Ouais, mais aussi, Et pour jouer un stagiaire, parce que au premier bug, il y a un coup de jus, on te fera faire nous nous tutoyons ou nous nous vous voyons. Arrête, tutoyons-nous, vous voyez souvent. Je tutoie quand je vous vois. Moi, je me tue à tutoyer. Mais jamais mais je me tue à vous voyez. Autant me décharger. Vous nous vous voyez. Nous voyons, je veux dire, nous verrons. Super. Tout à fait, toutefois, nous avons tout à fait tout tutoyé. Okay, d'ailleurs, qui vous voit. Bah très bien, ça c'est pour le stagiaire. Ah bah c'est gentil, merci Guillaume. C'est quoi un cadeau. Je mets Claudio Capéo, un homme debout. Encore, on le joue. Bah très bien. Il marche bien. Il est bien celui-là. Il est trop bien ce morceau. D'accordéon. On se le fait maintenant, Claudio Capéo. Il y aura Shawn Mendes sur un Major Lazer. Putain, il est bon celui-là. Là. Ah vous savez quoi, on se le fait maintenant, Major Lazer. Justin Bieber. Putain, on est là que 2 heures par jour, on se met. On se le fait un cib, Nicky Jam, on se le calera après. Hashtag Al Anasser. Boosty Popcorn aussi en Special Ride défonce. Et puis Claudio Capeo juste après Major Lazer et Justin Bieber. On s'installe les colis électriques et l'équipe à l'occasion de la journée de l'alphabétisation. Ouais, c'est ça. Vont jouer avec nous ce soir sur Énergie. On va essayer de ne pas bafouiller. On le fait juste après en direct sur Énergie. Guillaume Radio 2.0. C'est de 22h à minuit sur Énergie. Soyez bienvenus, les gars. De 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0. Allez, de retour à l'antenne avec Drake et Rihanna. On se fera tout good juste après. I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand it. Oh, I'm too good to you. I'm way too good to you. You take my love for granted. Venez liker la page, les mecs, sur Facebook, on se retrouve dessus. Là, je vous ai mis la photo. C'est assez hallucinant. C'est une petite pieuvre en fait qui c'est un truc de fou. Elle est verte fluo. Et en fait, elle fait le buzz parce qu'on dirait vraiment un petit personnage de dessin animé. Elle est mignonne, la pieuvre. Ouais, elle est jolie. Tu l'as vu, Jim Sandard? Ouais, je l'ai vu, Guillaume. Il y en a qui te dit, ouais, on dirait un jouet, sauf que tu y touches, tu verras que c'est pas un jouet. Si jamais tu y touches, je peux. Ouais. Oh, non, c'est pas venimeux, les pieuvres. Non, je crois que c'est juste un énorme bec au milieu. Ouais, et ça peut te faire genre vraiment très mal si jamais tu la touches, quoi. C'est vrai qu'elle ressemble à un jouet, la pieuvre. Salut. Quentin, salut à toi là. Salut. Écoute, quand j'étais en 3ème au collège, un petit merde de 6ème s'est plaint que je l'avais claqué le lendemain, j'étais sur un banc. Ah ouais, bah voilà, on va t'appeler, frérot. Le titre de Lady Gaga, Perfect Illusion, on peut se le caler aussi. Moi, j'ai éclaté la tête de quelqu'un contre une fenêtre, j'étais en primaire. Ah, c'est dangereux. La fille a dit que c'était un gars qui l'avait tapé, donc j'ai jamais eu de problème. Coraline, salut Coraline. Salut Coraline. Salut à toi, gros bisous ma chère en tout cas. On était toutes les personnes derniers contre des personnes de vieux condons. Et on a fait une guerre de fusils à billes. Salut à toi. Ah, c'est dangereux là, c'est la guerre. Ça s'embrouille, quoi. Bon, Snake, on se l'est calé. On se Soprano aussi. On se calera avec Claudio Capeo. Shawn Mendes, le nouveau Shakira. Là, on se le calera après. Shakira. On se le cale dans deux minutes. Juste avant, c'était le jour de l'alphabétisation. C'est ça, aujourd'hui. Tu m'entends, Antoine de Montcoutan, là? Oui. Ouais, ça va ou quoi, frérot? Salut, mec. 17 salut. Ans, là, c'est ça. T'as 17 oui. ans. Et Bastien qui en est arrivé, 14 ans de Bourg-Saint-Maurice. Bonsoir à toi, Bastien. En Savoie. Salut. Enchanté. Salut, on est passé par chez toi quand on a fait l'émission à Digne. Ouais. C'est bien. La gare là-bas. On a pris la gare de Bourg-Saint-Maurice. Exactement. Et alors, Jean Stagiaire, il adore cette gare. Pourquoi? Parce que dans Les Bronzés, il y a la réplique du film, c'est le train pour Bourg-Saint-Maurice, c'est ici ou pas? Alors, ils sont de gare, voilà. Pour ceux qui connaissent. Le mec, il connaît rien. Par contre, il se rappelle de la troisième phrase dans Les Bronzés. C'est Jean-Claude Duss. Il a une culture de ce qui sert à rien. C'est un peu un classique. Je viens de te voir dans TPV jeudi prochain. J'espère te voir. Salut, Kylian de Sourdeval. Bah oui, normalement, tu me verras. Salut à toi, Faro. Salut. Bonsoir à toi, Eric Mu de Chérie FM. Salut, Eric Mu. Je sais pas qui c'est, Eric Mu. Je sais pas, moi non plus. Il a envoyé message. Sur un message du Chérie FM, c'est ici en plus. Salut à toi, mais qui es-tu? On se connaît, Eric Mu de Chérie FM? C'est peut-être déjà vu en bas. Est-ce qu'en fait, pour vous expliquer, dans le bâtiment, il y a Énergie, mais il y a aussi d'autres radios. Il y a Chérie FM dans le bâtiment, il y a Nostalgie. Et Rire et Chanson au sous-sol. Pauvres, ils ont même pas de fenêtre et tout. Non, mais ça, c'est compliqué, hein, le bureau. Ouais, bon courage. Bon, en tout cas, il y a Antoine, il y a Bastien. On va faire le jeu de l'articulation. On va commencer par JM du temps. Oh non. Allez, où la télécommande? Allez, là, Guillaume. Ah, très bien. Ah, non, mais ça fait longtemps. Hein. Ah, tu sais que j'ai peur, moi. Ouais. Préviens-moi. Ah, ça fait mal. Hein. Bon, on y va. Tu vas lire. T'as la feuille ou pas? Il y a un stress dans le vidéo. Non, non. Je vous explique. J'ai mis un collier électrique de chien avec une télécommande pour JM du standard. Ouais, c'est ça. Voilà. Le principe est simple. C'est sur son bras droit. Ouais. Le but du jeu, c'est qu'il lise un texte. Là, tu vas commencer par le texte de loi, d'accord? Ok, rappelons. Attends. Dès que tu bugs, calme-toi, tu vas lire, t'inquiète pas. Dès que tu vas bugger, ouais, tu vas prendre un coup de jus. D'accord. Ok, alors attends, je vais mettre une petite musique. Est-ce que j'ai une petite musique pression là? Je dois bien avoir une petite musique pression quelque part. Ouais. Bon, ah bah celle-là, elle est bien. Oh là là. T'es prêt, JM du standard? Je suis prêt, Guillaume. À chaque bug, ça part. Ouais. Attention. C'est parti. Chaud. Quand tu veux. Rappelant que la politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune, qu'elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires, que l'Union peut y avoir recours pour des missions visées à l'article 28B du traité sur l'Union européenne en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix. C'est pas très fluide. La prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, que l'exécution de ces tâches repose sur les capacités militaires fournies par les États membres conformément au principe du réservoir unique des forces. Non mais t'es nul. Non mais je joue, non, il joue pas le jeu. On peut lui mettre une décharge. Il a rien réussi du tout. Non mais Guillaume, je transpire. Alors t'as une décharge. JM du standard qui est toujours un mec, il sert à rien parfois. Mais je veux dire, il y a des fois, il aurait mieux même pas fallu l'inviter autour de la table. Guillaume, c'est mon standardiste depuis combien de temps cette entraînance? Ça fait 4 ans et demi. 5 ans. Et bah ça fait 5 ans que le mec il me fait toujours le coup quoi. Il fait le grand. Le mec qui a des coups, tout ça. Et là, tu lisais, attends, mot par mot. Non. C'est pas grave, un coup de décharge. Non, il a pas réussi. Attends, imagine qu'il fait un discours. Mais j'ai fait un discours à un mariage, Guillaume. Non, mais ouais, putain, j'espère que t'as pas lu. Rappelons la politique de sécurité. Non, j'ai pas bugué en plus. Non, j'ai un stagiaire. Allez où là, tes commandes de j'ai un stagiaire? Elle est là. Ah putain, j'ai mal. Je la veux. Mais moi, je sais pas très bien lire, donc forcément, j'ai. Allez, on y va. Alors, attendez, vous savez quoi? Il y a la pub et ensuite, on. Attends, j'ai pas le choix. Et on le fait juste après. Il y aura du casting sur Énergie. Un pour tous. J'ai trop hâte d'aller voir. Je connais déjà toutes les chansons par cœur. C'est mon livre préféré. Tous pour un. Les Trois Mousquetaires. L'expérience musicale la plus spectaculaire de l'année. Olivier Dion, Brahim Zaibat, David Bann et Damien Sargue vous donnent rendez-vous à partir du 29 septembre au Palais des Sports de Paris. Ah, c'est trop bien. Avec Énergie. It's music only. Hey, salut, c'est Coé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire Sam, c'est moi. Fier de faire la fête sans alcool et de ramener mes potes sans faire de drame. Et sans vouloir jouer les héros, en tant que Sam, je sauve des vies quand même. Du coup, je suis un peu un héros, non? Ouais, ça fait des jaloux, mais j'ai l'habitude. Pour être Sam à ma place, il suffit de se désigner avant de partir en soirée. Bon, maintenant, vous le savez, Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Rendez-vous sur Facebook pour célébrer votre Sam, le conducteur désigné. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. Le multicuiseur Thomson 5 litres, 8 programmes pour cuire, préparer, rissoler à 49 euros chez Leclerc. Du 6 au 17 septembre, le très bon plan Leclerc, c'est le multicuiseur Thomson avec 20 euros de réduction. 49 au lieu de 69 euros, dont 60 centimes d'éco-participation. Un multicuiseur comme ça, à ce prix-là, c'est que chez Leclerc. Cette semaine, Télérama fête la rentrée culturelle. Fabienne Pascaud, directrice de la rédaction. En couverture, Marion Cotillard, star de l'automne cinéma. Mais il n'y a pas qu'elle. Dans nos pages, tous les artistes et hommes et femmes de médias grâce auxquels la rentrée culturelle s'annonce vraiment excitante. Télérama, chaque mercredi chez votre marchand de journaux. Votre vie est faite de joie, de peine, mais aussi de surprises. Pour ne plus subir le destin, envoyez par SMS Avenir au 72. Nos équipes de spécialistes en astrologie et voyance se tiennent à votre disposition pour éclairer votre avenir. Avenir, AVENIR, au 72. Envoyez Avenir au 72. 65 centimes plus prix du SMS, Énergie. Énergie, it's music only, avec Shawn Mendes en concert. Retrouvez le phénomène Shawn Mendes pour un concert événement le 24 mai à l'Accor Hotel Arena à Paris. Prévente exclusive mercredi 14 septembre sur gdp.fr. Infos et réservations, énergie.fr, gdp.fr et point de vente habituel. Shawn Mendes en concert, un événement Énergie. Du lundi au vendredi à 19h05 sur Chérie 25, une famille dans le besoin. Clairement, on ne sait pas demain si on aura un toit sur la tête. Mais t'as dit jamais je ferais subir ça à mes enfants. Des centaines de personnes pour lui venir en aide. Vous avez du cœur, Léo Savoyard. Voici donc la maison. Ça part en lambeaux, mais de partout. Solidarité. Allez, chaîne humaine, les gars. Partage. Allez, c'est parti, les gars. Bienveillance. Bienvenue dans votre maison. Tous pour un, présenté par Marc-Emmanuel Dufour. Du lundi au vendredi à 19h05 sur Chérie 25. Leclerc. Maman, viens voir. Quoi? Si je te dis je veux du volume style Acyle zéro défaut, mais j'ai pas de temps à perdre pour me maquiller et je veux aller vite. Oui, bah quoi? Maman, mascara volume flash de Rimmel. Regarde, avec 40% de réduction en ce moment chez Leclerc. C'est parce que la beauté est à prix irrésistible chez Leclerc que du 6 au 17 septembre, le mascara volume flash de Rimmel avec 40% de réduction immédiate est à 4,17€ après réduction. Voir modalité dans les magasins participants. Bon, je t'en prends un, je m'en prends un. Mais le mien reste le mien, on est bien d'accord? Promis, Mamoun. Encore meilleur, encore plus fort, fort. Du lundi au vendredi, de 22h à minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur Énergie. Oh. Ah pardon, excuse-moi, j'ai appuyé sur le bouton. On vient de lui mettre le bracelet. Il m'a pris en traître. On vient de lui mettre le... Non mais je m'attendais pas. On vient de lui mettre le bracelet électrique à juste agir. Et en fait du coup à chaque fois que je vais appuyer sur le bouton pour une décharge électrique, je n'appuierai que si tu fais un bug. Ouais, je n'ai pas appuyé sur JM du sang. Merci, j'ai pas bugué. T'as déjà appuyé, j'ai pas fait de bug. Non, attends, il est au minimum. C'est juste pour voir si ça marche. Mais ça réveille, hein. C'est juste pour voir si ça marche. Ah ouais, ça marche. Tu vas lire une fable de La Fontaine. Oh non. Maître corbeau sur un arbre perché tenant son bec un fromage. Maître renard par l'auteur alléché lui tint à peu près ce langage. Jusqu'au bout. Et bonjour, monsieur Dugorbeau. D'accord. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ce bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre son large bec, laisse tomber sa proie. Allez. Voilà, ok, il faut que tu lises à cette vidéo. Il faut mettre la ponctuation aussi. Ah oui, vraiment, faut. Ben, toi, tu l'as pas fait, JM du standard. Le mec, il a. J'ai mis la non, mais c'est énorme, quoi. Bon, en tout cas, on y va, c'est parti. Je viens de dire quand tu veux. J'y vais. Attends, je vais mettre une petite musique. Dès que tu bugs, tu prends un coup de jus. D'accord, bah, je vais essayer de pas trop bugger parce que bon. J'y vais. Quand tu veux. Maître corbeau sur un arbre perché. Non, non, t'as pas dit sur un arbre, t'as dit sur un arbre. Oui, mais oui, oui. Bah oui, attends, mais je suis un peu. Vas-y doucement, vas-y doucement. Première phrase. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléché, lui teint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur de corbeau. Non, que du corbeau. Voilà. Je pensais que t'avais pas entendu. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit: mon bon monsieur, apprenez que vous. Aïe, regarde! C'est facile. Apprenez que tout est. Non, s'il te plaît. Non, je l'ai pas fait, David. Non, mais je l'ai pas fait. J'ai pas de force pour lire. Apprenez que tout est. Tu fais plus fort. J'arrive plus. À chaque fois, je monte d'un grand. Ouais. La feuille, elle tremble. Je peux plus la tenir. Arrête, c'est bon. Non, merci. Donne le bracelet à Julia, JM Standard. Allez, écoute, j'arrivais plus à lire. Va lui donner. Non, allez, on va terminer. Julia. C'est combien de temps que t'es dans l'équipe? Ça fait 2 semaines. Ouais. Un petit peu en stage avant l'émission. Vas-y, viens là, Julia. Viens là. Oh la vache. On va te le mettre sur toi. C'est un collier électrique pour chien. J'ai un petit boîtier qui me permet d'envoyer une décharge électrique. Et c'est assez marrant. Voilà, on va voir ce que ça donne. Alors ce que ça donne dans 2 minutes. Julia, à chaque fois que tu vas bugger, toi, on va donner les phrases de prononciation. C'est le plus dur. Comme ça, pas direct. Que... Oh, c'est pas le plus dur, c'est la première fois qu'il y en a. 11. Alors c'est facile quand même. 11 oncles, 11 ongles, 11 ongles. L'oncle de l'oncle, l'angle de l'ongle. Voilà. C'est chaud, hein. Vraiment l'arnaque. La pauvre. Ouais, c'est vraiment l'arnaque. Alors. Ou alors tu préfères quoi, Julia? Est-ce que tu préfères fruits, fruité et frites, fuir, frites? C'est la même merde. Fruits et fruits. Ou alors si c'est 500 sensus sur son sein, sucer son sang, c'est 500 sensus. sensus sont son succès. Attends, si ces 500 sensus sont sur son sein sans sucer son sang, ces 500 sensus sont son succès. Bravo. Tu veux que je dise celle-là? Non, comme tu veux, c'est toi qui choisis. Non, franchement, la première avec les ongles, là, c'est pas mal. Tu préfères ces 600 sachets, sachez cela, que si cher Calix Anis, tout en le sachant, chez Naché, Chaz, Sachax, choisis son c'est si cher, Chaz. Voilà, tu préfères dire le chat de Sacha chez ce cher Serge. Ça, j'ai jamais réussi à le dire, donc je vais. Bah, dis-le alors, c'est marrant. Alors, non, vas-y, on y va. T'as déjà pris un coup de jus avec un coup électrique? Non, pas du tout, jamais. Mais en plus, il est salaud, j'ai ça, ce qui te l'a vraiment foutu. Ah ouais, attends. Ah ouais. Voilà, non, j'ai juste envoyé un pour voir si ça fonctionnait. On peut envoyer un petit bout. Ça clignote. Et bah, très bien, on y va quand tu veux alors. Hein. Ok. Ah putain, ok. Ah ouais. Non, non, c'est pour voir si ça marchait. Non, c'est pour voir si ça marchait. Allez, vas-y, on t'écoute quand tu veux. Pour le. Ça t'a fait mal? Oui, un petit peu, ouais. Bah, oui. C'est beaucoup trop ou pas? Non, non, mais bon, ça va, ça va. Je vais y arriver. Non, je sais pas que tu chiales non plus direct. Oh, mais c'est marrant, ça va. Non, si ça fait mal, tu me dis. Vas-y, quand tu veux. 11 oncles, 11 ongles, 11 ongles, l'ongle de l'oncle, l'angle de l'ongle. Voilà, ça veut dire. Maintenant, on passe à la suite. Ok. Maintenant, tu vas passer à la fable de La Fontaine, s'il te plaît. Ok, c'est parti. Rapidement. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh, bonjour, monsieur du Corbeau. Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Plus vite. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Non. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. C'est drôle. Ça fait mal ou pas, non? Ouais, non, ça fait mal, bah oui, bien sûr. Oui, ça donne de l'énergie. Ouais, mais au bout d'un moment. Je pense qu'il y a un truc vraiment. Parce qu'après, tu te sens un peu. T'es. Ah, d'ailleurs, moi, je suis ailleurs, là. C'est vrai, je pense que c'est un peu comme de la drogue. Ouais, non, mais tu vois. En vrai, prendre un coup de jus, ça te donne une énergie de ouf. Non, mais vraiment. Ouais, c'est dangereux. Le matin, tu fous deux dans la prise. Surtout pas, parce que là, tu meurs. Avant d'aller au sport. Le 201 volts, ça vaut, tu lasses une pile. Et je pense pas que ce soit très très bon. Les mecs, si vous faites ça tous les jours et tout. Très bien, mais merci beaucoup. Bravo. Merci. Non, mais c'est bien. Tu lis bien, toi, Julia. Pas mal. Ouais, c'est fluide. Hein. Attends, j'ai envie de te faire un dernier truc, du coup. Vas-y, vas-y. Mes parents, je ne les vois jamais. Ainsi, vos vieux vous voient sans vous voir. Et toi, qui te tutoie? Mon oncle, mais seulement chez moi. Donc, ton tonton te tutoie sous ton toit? Ah oui, mais mon neveu ne veut pas vous voyez. Et que faites-vous, des dames? Nous tutoyons les veuves et vous voyons les tantes. Mais ma tante est veuve, elle vous voit sans toto et tutoie sa voiture. Ah, vas-y, la dernière, on y va. Ok. Je sais plus lequel c'est, le tien. Mes parents, mais je ne les vois jamais. Très bien, vas-y. Ainsi, vos vieux vous voient sans vous voir. Et toi, qui te tutoie? Mon oncle, mais seulement chez moi. Donc, non, ton. Ah, merci beaucoup. Allez, va t'asseoir là-bas. Merci. Ça fait mal, hein. Pourquoi salut Guillaume, j'ai resté cher. S'il devait se prendre des coups de bite à chaque fois, tu ferais exprès de passer par les traits. D'accord, non, c'est faux. Bon, il y a beaucoup d'appels, hein, les gars. Vous êtes hyper nombreux. On va parler de bagarres, là, des grosses bagarres dans lesquelles on s'est retrouvés. On se fait juste Shakira. Il y a l'énigme aussi. On va se faire l'énigme. On file des cadeaux. Ouais. Et, ouais. Ah non, il y a le juste prix. Ouais, c'est juste prix. Ah bah attends, on va se refaire maintenant. Ouais. Le juste prix, vous savez quoi, les potos? J'en ai pour deux minutes. Il y a une Xbox One ou un bracelet connecté Fitbit. C'est vous qui choisissez le vendredi, hein, ou le jeudi. Là, on est jeudi, donc si vous voulez la Xbox One, je vous la file maintenant. Moi aussi, ouais. Je vous explique le principe. J'ai un chiffre devant moi sur une feuille. Je l'ai marqué. Je vais même le marquer au stylo comme on faisait avant. Et si jamais hop, dès que je suis à la fin du truc, je montrerai sur la caméra en film pour YouTube pour vous prouver que c'est vraiment y a pas de triche. Vous m'envoyez Guillaume et un chiffre avec votre numéro de téléphone. Par exemple Guillaume un espace 8 un espace 06 68 1. Voilà, vous m'envoyez par exemple le chiffre 8 et ça va faire je vais dire plus ou moins à chaque fois. C'est le jeu du plus ou moins. Le premier, c'est un jeu de rapidité, ouais, les garçons. Ouais, bonne chance. C'est un jeu de rapidité, il est 23h02. Le premier qui me trouve le putain de chiffre que j'ai sur ma feuille, je lui offre un cadeau à 500 boules, une Xbox One maintenant. C'est parti. On y va pour le juste prix. Allez-y, un Guillaume et vous envoyez un chiffre au 6 11 12. Est-ce que ça serait le 2? C'est plus que le 2. Est-ce que c'est le 46? C'est plus que 46. C'est entre 46 et l'infini pour l'instant. Est-ce que c'est 1500? Salut frérot. C'est moins que 1500. 06 71 58 89. Jimmy de Dieppe, 999. C'est moins que 999. Est-ce que c'est 165? Non, c'est plus que 165. Allez-y, un concours de rapidité, les gars. On est entre 165 et 999. Est-ce que ça serait... Il y en a un qui me propose... Je lis vos dédicaces en direct. 150, non, j'avais dit que c'était plus. Est-ce que ça serait 222? 06 45 23 80, salut à toi. C'est plus que 222. On cherche un chiffre au-dessus de 222 et en dessous de 999. Qui suis-je? Combien est le bon chiffre aujourd'hui? Je vous offre quand même une Xbox One. C'est vraiment facilement gagné, c'est un vrai jeu de rapidité à l'ancienne, les gars. Ouais, je vous jure, on est en direct à la seconde près, il est 23h03 et 3 secondes. Voilà, donc vous pouvez jouer avec nous. Le but du jeu, trouver le chiffre en premier. Il y en a qui me dit salut Guillaume, est-ce que ça serait 253. C'est plus que 253. On est entre 253 et 999. Est-ce que ça serait 500? C'est plus que 500. Ah. On monte d'un coup là. Ouais. On est entre 500 et 999. Vous avez pour l'instant, imaginez, on est 1,5 million. Vous avez une chance sur 500 de gagner. C'est quand même énorme par rapport au loto où c'est une chance sur 2 milliards ou sur 230 millions. Entre 500 et 999. Est-ce que ça serait 627? Salut Mathias. 06 51 31 64. C'est plus que 627. On cherche donc un chiffre entre 627 et 999. Allez-y, c'est plus on avance, plus il faut jouer parce que c'est là que vous allez peut-être pouvoir gagner. Est-ce que ce serait 666? C'est plus que 666. Salut 06 83 91 64. Salut frérot. C'est plus que 666. Est-ce que ça serait 759? 06 77 60 97, etc. C'est plus que 769. Vous envoyez Guillaume un espace. C'est vraiment en un SMS vous pouvez jouer. Il y a possibilité de gagner entre 759 et 999. Est-ce que ça serait 850? C'est moins que 850. Ah, ça se resserre. Bah voilà, envoyez des messages avec des chiffres ronds comme ça, ça nous permet déjà d'avancer. C'est entre 759 et 850. Il y a une chance sur 91 de gagner un cadeau à 500 euros. C'est quand même énorme, hein, les gars. Bonne chance. Vous envoyez donc Guillaume et la bonne réponse au 612. Est-ce que ça serait 843? C'est moins que 843. Voilà, une chance sur 80 de gagner là. Est-ce que ça serait 827? C'est moins que 827. On est entre 759 et 827. Allez-y, hein, Guillaume et le bon numéro au 612. J'ai des Xbox One à vous offrir et des bracelets connectés Fitbit. Allez-y maintenant, entre 759 et 827, Guillaume est la bonne réponse au 611-12. Le chiffre du plus ou moins, maintenant on le cherche. Est-ce que ça serait 800? C'est moins que 800. Oula. Voilà, oui. Julien Stagiaire fait un beau oula de film. Ah bah là, il a vraiment fait un beau oula de film. Ouais. On aurait dit qu'il se retrouvait au bord d'une falaise. Ouais, oula. Attention. On est entre 759 et 800. Une chance sur 41 de gagner. Les gars, c'est pas du mytho, on est en direct. Ce jeu, il est génial parce que vous êtes souvent à envoyer les chiffres ronds. Genre, vous avez tous envoyé 800. Bah non, c'était pas 800. Là, vous avez tous envoyé 799. Non, c'est pas 799, les gars. On est entre 759 et 799. Pile poil, une chance sur 40. Je sais pas si vous vous rendez compte. Vous prenez portable maintenant. Vous verrez hein, que ça, dès que ça sera arrivé, je vais le dire. Guillaume et le chiffre avec votre numéro 612. C'est entre. Il y en a un qui dit est-ce que c'est 760? C'est plus que 760. On est entre 760 et 799. Rapidement, on fait un jeu du juste prix en deux secondes. Le bruit qu'il trouve, je vous file une Xbox One. Est-ce que ça serait 789? C'est moins que 789. On cherche un chiffre entre 760 et 789. Une chance sur 29 de ouais, trouver. C'est plus beaucoup là. Une chance, c'est pas beaucoup hein. Non, ouais. C'est rien là. Une chance, c'est comme dans une classe, mais sur toute une grosse radio nationale comme ça. Est-ce que ça serait, il y en a qui dit 780? C'est moins que 780. Une chance sur 20. On a une chance sur 20 pile. On est entre 760 et 780. 775, une chance sur 15. Guillaume est la bonne réponse au 612. Salut à toi, 06 16 82 16, etc. Est-ce que c'est un rapport avec l'actualité? Je peux dire que oui, hein, mais bon. Ne cherchez pas dans les journaux. Entre 760 et 775, il y en a un qui lit 770, c'est moins que 770. Oh. Et plus que 760. Il y a une chance sur 10, les mecs, c'est le sprint final. Allez-y, vous envoyez maintenant Guillaume et le bon chiffre en 612. 765, c'est plus que 765. 766, c'est plus que 766. 767, c'est plus que 767. Ah, 3. On cherche un chiffre entre 767 et 770. Le premier qui me le trouve, il a gagné. 769, il est arrivé à l'instant, c'est gagné. Voilà, et il n'a pas mis de numéro de téléphone, oh le premier. Il faut mettre son numéro, les frérots. Je vous l'ai dit de mettre votre numéro dans le message. Il est arrivé, 769. 769, pourquoi? Parce que c'est le prix de lancement du plus petit iPhone qui va sortir. Ah ouais. L'iPhone 7, c'est abusé. Oh. T'as vu les écouteurs ou pas? 769, oh. Imagine. Les écouteurs, ils les sont nouveaux, géniaux. Là. Ils sont géniaux. Sans fil. Ils sont sans fil. Ouais, mais tout il faut les recharger. Tu les mets dans tes oreilles, ça ah, comprend que tu les as mis, tu les enlèves, ça comprend que tu les enlèves. C'est pas très joli, moi. Ouais. De quoi c'est pas très joli? Ah, c'est pas bah, très c'est beau, un peu moche. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Donc 5 heures de batterie. Bah ouais, c'est bien déjà. Il faut charger l'écouteur aussi. Tu les recharges comment? Il y a une petite boîte en fait, et tu charges la boîte, et quand tu mets les écouteurs dedans, ils se rechargent. C'est quand même vachement bien foutu. Hein. Après, faut avoir la boîte avec quoi. Ouais, ça coûte combien? Le problème, ça c'est qu'ils sont pas reliés aussi, donc si t'en paumes un, c'est fini. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, ouais, d'accord. Ouais, c'est comme ça, t'en rachètes d'autres. Ils sont pas cons, Apple. 160 euros. Julia. C'est une très mauvaise idée pour les filles, nous qui perdons tout dans nos sacs à main. Les deux trucs sont désolidarisés là. Les deux. Merci. Je suis en feu, car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, je suis en feu, car moi ce soir je suis en feu, je suis en feu, car moi ce soir je suis en feu. t'as parlé très bien quand il fallait prononcer un truc. Après, t'arrives plus à parler. Là. Ouais, pardon, excusez-moi. Ah là là, bon, non, mais... très bien. Eh ben, en tout cas, soyez bienvenus. Hein. Guillaume, Radio 2.0, 23h09. Et donc, tu dis, on perd tout dans son sac à main. Quoi. Bah oui, moi, je perds tout le temps tout. Donc, mes clés, tout ça. Donc, les deux écouteurs tout petits comme ça, ouais, c'est vrai, sans fil. Ouais. Je vais les paumer au bout de 10 minutes. Bah, les prends pas alors. Ils coûtent 160 euros, c'est hors de prix. Non, c'est abusé, ouais. Non, mais c'est vrai, c'est le prix d'un téléphone. Imagine, c'est rendu. Qu'est-ce qu'il y a pour les cadeaux? Et l'autre souci, c'est qu'il y a un adaptateur pour brancher des écouteurs normaux à une prise jack. Ouais. Sauf que l'adaptateur, il se met dans le port où tu recharges ton portable. Ah oui, donc c'est l'un ou l'autre. Donc tu peux pas charger et avoir les écouteurs. Ouais. Ouais, bah, c'est rare que tu charges et que t'écoutes sur le téléphone. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est ça vrai, arrive, en général, quand t'écoutes avec les écouteurs. Ouais, ça arrive, mais bon, quand même, tu peux. Enfin, on peut toujours trouver des problèmes. Ouais, bah oui. Voilà, faut avancer avec la technologie de son âge. Guillaume et votre message, hein, au 612, si vous voulez venir. Qu'est-ce qu'il y a, j'ai stagiaire? Il y a Samsung, au pire, hein, si vous êtes pas. Il y a quoi? Il y a Samsung. Ah ouais, il prononce les mots bizarrement, non? Samsung, tu dis pas comme ça? Si, Jim Sandard. Samsung. Voilà. Samsung. LG, à la fin. Samsung. Samsung. Ah, moi, j'ai Samsung depuis que je suis né. C'est clair. Et il dit les couteaux. La guiole. Voilà, la guiole. Il n'a jamais compris qu'on faisait la guiole. J'aime ça. J'avais oublié, les laguioles. Ah, les laguioles, bien sûr. Bah oui. Oh, bah ça va, c'est une étude. Salut, Mordage. Je joue trop de pression. Il paraît, je vais s'agir que tu ne connaissais pas le mot dune. Ah ouais, il y a eu un débat, oui, effectivement. Dans je ne connaissais pas. Il y a eu un débat. Qu'est-ce qui se passe le mot, je le connaissais, mais la définition, non. On m'a dit dans un couloir. Ah, c'est vrai, j'ai dû regarder ça. Tu ne connaissais pas. Ah, la dune du Pilat, les frérots de la Véga, je connais. Je sens que je oh putain! Oh, la dune, ouais. Je connaissais deux noms, mais je savais que ça a rapport avec la plage. Mais tu savais pas ce que c'est qu'une dune? Non, une dune, quand même. Non, je te jure que non. Tu connaissais James Sandard? Quand même, ça va. Ce qui est bien, c'est qu'avec Julien Stagiaire, même James Sandard se sent intelligent. Ouais, bah oui, ça, là-bas. Tu connaissais quand même Julien? Oui, bah évidemment. Non, mais excusez-moi, mais parce que. Et d'avoir toute la journée face à moi, j'ai un stagiaire, j'ai l'impression que le niveau s'améliore. J'ai l'impression que le niveau de la France a baissé. Là. Ouais. Ah bah tu connaissais cool. Pas le mot dune, mais la dune du Pilat, je pensais que c'était quoi? Bah une plage. Ah ouais, d'accord. Si le Pilat, c'est vers Bordeaux. Ouais, bah je savais oui. Que c'est la dune ouais. Du Pilat. Ah, mais la dune, c'est bien que c'était une dune quand même, je sais pas. Bah, non, une mais, dune pour moi, c'est un rapport avec la mer. En fait, alors je vous explique pourquoi. C'est parce qu'en fait, il y a un mec qui a été invité aux Amours, je crois que c'est pas ce que c'était, un truc comme ça. Oui, oui. Il y a un extrait, etc. Donc du coup, il y a un débat dans le bureau. Effectivement. Mais attendez, il y a. Non, mais rassurez-moi, vous connaissez tous le mot de la dune quand même. Une dune, c'est un tas de sable, quoi. Ouais, c'est con en fait. Une petite montagne de sable, voilà, un peu de relief. C'est con une dune, hein. Voilà, c'est le mot. Ah, mais c'est vrai, c'est pas le gros truc. C'est le point final de cette explication. Je vous ai écouté ça, vous êtes géniaux. Merci Mathis du 37. Bon, ouais. On continue l'émission ce soir avec Julien Stagiaire qui parle de ses dunes. Voilà, qui est bien. J'aime du standard qui apprend aussi. Julien Stagiaire, ce qu'est qu'une dune. Et Laurent va parler de bagarre, on va faire le jeu du casting aussi. On se fait juste Shakira. Et on appelle le gagnant d'abord. Ah, bah oui, on appelle le gagnant. Allez, c'est parti. Le premier qui a envoyé le mot, du coup, le chiffre qu'on cherchait, 769, qui était le prix de lancement du petit iPhone. Ça va sonner chez lui. Il faut juste répondre par contre. Allô, tu m'entends? Ouais. Ouais, ça va ou quoi? Salut. Ouais, ça va? T'es content que je t'appelle? Ah bah attends, forcément que je suis content. Ah putain, ça fait plaisir mec. C'est pas toi qui est assis derrière le siège de Jennifer dans The Voice tout le temps en public. Le mec on reconnaît, c'est derrière. Bon, c'est vrai, c'est quoi ton prénom, tu m'as dit? Ouais, c'est Guillaume. Guillaume de où? Dans le nord, près de Valenciennes, Maubeuge. Ah bah représente alors. Ouais, 59. Ouais. Et bah salut à tout le 59. Hein. Et bah sois le bienvenu, Guillaume. T'es en quelle classe toi? Bah en première cette année. Première quoi t'as pris? Première ES. Ah bah vas-y, félicitations maintenant. Ça va, tu tiens le coup là pour l'instant? Ah ouais, ça va, mais putain, j'ai essayé de passer hier pour parler de l'iPhone justement et on m'a jamais rappelé et tout. C'est vrai, bah je vous ai hyper nombreux à appeler. On t'appelle ce soir. Ah, je vous jure, mais en plus, j'ai déjà essayé de passer plusieurs fois et je suis jamais passé en vrai. Eh ben, insulte-la, là, bah ouais, t'es à l'antenne, dis-lui que c'est une grosse pute, vas-y. Vas-y. Dis-lui, elle est plus là, vas-y. Ouais. Non, attends. Tu vois, ce qui est marrant, c'est le mec qui passe qui se plaint. Ouais. Le mec il vient de gagner 500 euros et le mec c'est il a. J'y suis passé hier, j'ai pas eu des prix. C'est un peu osé, hein. Ça fait deux jours que je joue, j'ai pas gagné. Je garde de la foi, je suis le chasseur de la proie. Ça va être toi, seul je vais finir la soirée. Non mais attends, tu comprends quand même que. Ça marche pour de vrai au moins là maintenant. Ah bah ouais, ça marche, c'est clair. C'est pas la première fois que je joue, mais ça fait que je gagne. Ah bah tu vois, voilà. Il arrive à se plaindre encore dans sa phrase. Ah oui. Non, mais évidemment. Je vous jure. J'ai trouvé largement avant que tu lises la voix du bon message. Non, attends, frérot, je te jure, il a envoyé en premier. Il y a pas de mes couilles, vous pouvez venir voir le logiciel. Ouais. En fait, comme je suis trop fan d'Apple pour dire, j'étais sur le site d'Apple justement à ce moment-là et je me suis dit, c'est sûr, c'est avec l'actualité, c'est 769. C'est putain, sûr. Bah voilà. Il est fort, bien joué. Ben voilà pourquoi il a gagné, c'est ce qu'on appelle un coup de chatte. Exactement. Bien joué. Et, et vraiment, c'est pas du tout une vanne et tout ça, il n'y a pas d'arnaque, on se connaît pas avec Guillaume. Hein. On se connaît pas, Guillaume. Ah bah, on se connaît pas, non. Par contre, t'as reçu il y a quelques mois, je sais pas si tu te rappelles, quelqu'un qui est. Une fille chez toi, le malaise. C'est ma sœur. Non, tu veux dire quoi, pardon? Quelqu'un qui s'appelait Adam de la 1337, tu te rappelles ou pas? Adam de? La 1337, la radio entre ados, tu te rappelles ou pas? Non, je me rappelle pas, Franck. Non. Adam, il est à la radio? Il a fait une visite? Ouais, une même radio, rappelle-toi, il t'avait dit Guillaume de la 1337. Non, je me rappelle pas. Tu te demandais pourquoi la 1337? Ben moi, je vais t'expliquer, en fait, parce qu'en fait, j'en fais partie de cette radio, et justement, en fait, ça, c'est un langage informatique, en fait, ça veut dire radio élite, en fait. D'accord, radio élite, le 1337. Voilà. D'accord. Donc, c'est radio entre ados, et justement, Guillaume, j'ai une petite faveur à te demander. Vas-y, dis-moi. Je reprends mon émission samedi, là, pour la relancer la saison, en fait. Et c'est possible, j'aimerais t'inviter dans mon émission, c'est possible ou pas? Ah, bah ouais, et où ton studio? Alors non, justement, t'as même pas besoin de studio, en fait, t'as juste à appeler, c'est gratuit et tout, tu peux même venir en numéro masqué, comme ça j'ai pas ton numéro et voilà. Non bah y'a pas de problème, attends. Je te le donne mon numéro, note-le si tu veux noter mon numéro, je te le donne direct. Ouais, bah ouais, là, t'inquiète. T'as l'antenne, fais gaffe. Bah c'est pas grave, attends, on est entre amis, si on est un million, nous on a un million de potes. Bah oui, hein, branlé, hein. On est presque... Note-le mon numéro de téléphone. Attends, non mais pourquoi tu... Non mais bien sûr, je te le dis, tu peux le noter, sans problème. Donc tu le notes ou pas? Non mais je sais que tu... Je te dis, en plus là, pour une fois que je blague pas, voilà. Donc tu le notes. Il y a tout le monde qui va taper. Mais je m'en bats les couilles, putain. Va plus vite, sois malin. Oui, profite-en. 06-03-12-01, tu notes ou pas? Vas-y, je note. Alors attends. Oh putain, il y a un dossier là. 06. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Non, mais je sais pas, ça commence par mon numéro de téléphone. Ah, c'est énorme. 06-03. Je te le donne mon numéro. Un numéro chacun. Un numéro chacun, Guillaume. Non. Attends, Julien, elle est où dans mon téléphone? Guillaume, voilà. 06-03-12-01. Vous notez ou pas? Ok, qu'est-ce que je fais pour que tu le donnes pas? Le bisutage. Mais quoi? Qu'est-ce que je fais pour que tu le donnes pas? Non, attends. T'as il reste un chiffre. On finit là. Ouais, elle est prête à tout. Ouais. Non, regarde ça, Flo des cadeaux. Reste un chiffre. Non, je vais donner mon vrai numéro. Parce que sincèrement, ça se fait pas. Je vais donner mon vrai numéro. Donne-moi en privé au pire. C'est 06-98-00. C'est moins drôle là. 80. Ah ouais? Alors. Ouais. Non, mais attends, pourquoi pas? Non, mais attends, moi ça me dérange pas. Franchement, je peux vous le donner. Je vais vous dire un truc. Les armes nucléaires. Ouais. Non, attends. Dissuasion nucléaire. Non, attends. Je vais dire un truc ainsi. Si je vais te dire qu'il fait un faux pas, ça part direct. Hein. Je vous donne le mien. D'ailleurs, à l'époque, j'avais donné ton numéro. Ouais, ouais. Ah, j'ai changé si tu veux, j'en ai un nouveau. Non, t'as pas du tout. Si j'en ai un nouveau, si tu veux, on va le redonner. 0621. C'est qui 0621? C'est celui de qui? Je sais pas. De JM Zan. Non, j'ai le début, ça va. Non, vas-y, alors, on t'écoute. Non, j'ai éteint. C'est marrant parce qu'avant il était fou mais il avait des couilles. Ouais. Je veux dire, c'est fait un peu castré. Je peux dire la fin de Julien, il en restait un. Non, mais. Je le connais par cœur. Dommage quand même que t'ailles pas sur JM du Standard. Je croyais que ça aurait été. Franchement, à partir de ce moment-là, je t'aurais. Arrête, JM, c'est bon, on a compris. Il a dit en entier. S'il y en a qui ont écouté, j'ai dit en entier. Comme ça, je te prends en mot, Guillaume, j'ai dit en entier. Voilà. Non, tu on pourra réécouter le juste. Non, attends. Je vous casse la voix, je m'en fous. Arrête. 52. Arrête. 68, ça. Il a dit juste. J'ai senti que je vais briller. Ce soir, je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Vous avez le téléphone de JM du Sandin, non? Ouais, ça y est, ça sonne, non? C'est un peu. C'est Flo des cadeaux qui a fait la pique. Ah non, je vais pas donner le dernier. Flo des cadeaux. Putain, là, lâchez le numéro de JM du Sandin. C'est pas moi qui ai donné le dernier. Ah là là, putain, je sens le fin, salut. Flo des cadeaux, c'est 06. Ah là là là là là. Alors 98, attends. Ah, ça marche plus, y'a trop de monde qui m'appelle, putain, les gars! Ah, il s'est fait c'est fini, putain, les gars, c'est pas bien. Non, c'est vrai, t'es beaucoup dit. Ah, ça y est, c'est parti, là, c'est fini. Ah, mais ça va. Franchement, dans deux heures, c'est fini. Ah, je décroche, je peux dire allô. Non, bah vas-y, mais le haut-parleur. Ah, écoutez, allô. FaceTime, putain. Allô. Tu m'entends? C'est en FaceTime en plus, il y a tout, et ça y est, c'est fini, là. C'est peut-être une meuf, en fait. Mais ça répond plus. Ah, ouais, ah là là. Ah, ouais, sans double appel. Moi aussi, j'ai déjà eu, franchement, ça passe. Allô. Ouais, ça va, mon pote. Et toi, t'es en double appel et tout, ça s'arrête plus, quoi. Ouais, putain, t'as réussi à noter le numéro. C'est quoi son prénom? C'est quoi ton prénom, mon pote? C'est Axel. Axel. T'es d'où, Axel? Je suis de Gap. En direct de Gap. Salut, moi, Axel. T'as quel âge, Axel? J'ai 17 ans, vas-y. Et le mets pas sur Facebook, le numéro de JM Sandar. Ouais, ah non, bah, fallait pas le dire. Garde-le pour toi. Hein. Ah ouais. Le mets pas sur Twitter. Ah, c'est bon, demain je change. Hashtag le numéro de JM, non. Ah ouais. Non, faites pas ça. Le mec, fais pas avec un hashtag et tout. Non, bah, non, ça non, fait non. 10 ans que j'ai le même numéro. Non, c'est vrai. Ah, putain. Ans, je non, mais j'ai déjà, il a oublié sa stas au bout de. Ouais, moi, franchement, moi, au bout de 3-4 fois. 3-4 fois, il a donné mon numéro. Non, mais j'ai même mis, c'est ce que j'ai. Je vais vous dire. Oula, oula, il y a un truc que je sais pas. Je vais vous dire un truc. Non, non, quand j'ai déjà est arrivé, j'ai même fait pire. J'ai remplacé énergie. J'ai même remplacé énergie sur les autoradios, j'ai mis le numéro de gestagiaire. Ouais, bah. Et j'ai dit, comme ça, ah ça ouais. S'affichait sur tout le monde. Comme ça, j'étais moins seul les week-ends. Ah, non, non, attends, et là, il a eu beaucoup de. Bon, on va laisser Jim Sand répondre deux secondes, on se fait la bicycletta là. Shawn Mendes, on avait dit qu'on l'écouterait. Claudio Capeo, on s'est pas écouté, un homme debout. Tiens, on s'écoute maintenant. Et juste après, en direct, jusqu'à minuit. 22h minuit, c'est Guillaume Radio 2.0 sur énergie. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout près, c'est j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, prennent le temps, ne font que courir. Ouais. Si je m'endorme, réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le restant. C'est dur, je confesse. Moi, je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi, c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois, j'ai qu'une envie, abandonner. Si je m'en priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte. Sur Energy, bonne soirée les gars. Guillaume Radio 2.0, il est 23h22. JM du standard, il est pas content, je veux dire. Ah ouais, je suis dégoûté. Il vient de s'engueuler avec Flo des cadeaux et tout là. Ah, il faut pas les gars. Il est pas très content parce que, alors, apparemment, vous l'appelez. Ça arrête pas, j'ai mis un mode avion les copains. Non, je suis mais désolé. Si vous envoyez un message, envoyez pas des messages genre suce ma bite et tout quoi. Non, je m'en bats les nouilles. Non, mais si alors, y a une fille, je m'en bats les nouilles. Une fille, c'est bien. Hein. Non, mais voilà, vous pouvez envoyer un petit message, bise, je t'adore. Ah, c'est genre un cœur. Mais pas suce mes couilles et tout quoi. Non, ce serait dommage. Ça, c'est vous bougez pas, on se retrouve juste après. On va faire le faux casting de télé-réalité et on va parler de cul sur Energy. Vous êtes les premiers à avoir le téléphone que tout le monde veut. Le nouvel iPhone, l'iPhone 7. C'est la vous gagnez en plus un MacBook Air. C'est le pack Energy Apple. Dès que vous entendez le double hit. Snake. Avec Justin Bieber et DJ Snake à la suite. Soyez les premiers à appeler NLG 3937 et vous gagnez le pack Energy Apple avec l'iPhone 7 et le MacBook Air. Energy numéro 1 sur les pop, R&B, dance. Hey, salut, c'est Coé. On peut être fier de son équipe, de sa région, de sa ville. Moi, je suis fier de dire Sam, c'est moi.

à s'adapter. Tu ne veux pas survivre en apnée. Tout ce qui est bon va par deux. Les cerises, les Twix et Guillaume Radio 2.0. Pendant 2 heures, de 22h à minuit. Du lundi au vendredi, sur Énergie. Allez, du retour sur Énergie. Souffle, on se le cara. Le nouveau. On se fait les nouveautés sur Énergie. Je suis fier de toi. Depuis tes premiers pas, grandis trop vite, t'as grandi trop vite. T'as grandi trop vite. Qu'est-ce qu'il y a, Flo des cadeaux? Non, mais je trouvais que la chanson Mea Culpa allait bien pour JM du Standard qui a perdu son numéro de téléphone. Oh, le bâtard. Vas-y. Mais le beau, t'as raison. Parce que le Flo des cadeaux a donné le numéro de JM du Standard à l'antenne. Il en veut un peu. Cette chanson est dédicacée pour toi de la part de Flo des cadeaux, JM. Merci Flo des cadeaux, j'accepte ta dédicace. J'ai pas de... Et moi je croyais que c'était l'avant-dernier quand j'ai donné en fait. Donc voilà. Ouais. Ça appelle toujours sur ton portable. Je sais pas, j'ai mis le mois d'avion, Guillaume. Ah, il est pas content. Là, il s'est fait ken. Ah, Guillaume, ça c'est vraiment fait. C'est pas grave, l'année est longue. Ah. Faut pas que je me laisse ken comme ça. Et au pire, c'est pas très grave ce que numéro, on s'en fout. Voilà. C'est vrai, c'est ça. Il y a des gens qui ont des trucs bien plus graves que évidemment. Oui. Story de fou, mais j'avoue que moi je l'aime tellement la nuit. On s'y donne rendez-vous, on rigole, on est fou, on fait passer l'ennui. Allez, on va faire le casting. Tu m'entends, Guillaume au standard qui a gagné là, juste. Ouais, bravo, ouais. Bon, hey, tu veux une Xbox ou un bracelet connecté là? Ouais, une Xbox. Ouais, je m'en doute, mais je te pose la question quand même. Vas-y, je te l'envoie demain matin, d'accord? Ok, okay mon Guillaume, merci. Tu me rappelles d'où t'appelles? T'appelles du Nord, toi, c'est ça, hein? Ouais, j'appelle Dino, ouais. Est-ce que tu veux faire une petite dédicace avant de partir? Ouais, une petite dédicace. Bah, déjà, je fais une dédicace à toute l'équipe de la 1337, à tous mes auditeurs. Ouais. Et puis, je fais une dédicace à Hugo, le directeur de la radio, qui est aussi un pote, et à toute l'équipe, voilà. Il n'y a pas de problème. Eh ben, casse dédié, hein. Hashtag numéro sur hashtag JM, c'est fait ken. Non, hashtag Guillaume Radio, je vois qu'il y a tout le monde qui met le numéro et tout. Alors là, si vous faites tourner le numéro sur Twitter, non, il va bien, les gars. Il est mal barré, je me sens. On avait dit pas la famille. On avait dit pas le Twitter. Pas le numéro. Bon, ouais, tu voulais dire un truc, Guillaume? Ouais, juste, je compte sur toi quand même pour dans l'émission, hein. Je rigolais pas. Hein. Pourquoi? C'était pas une vanne, hein. Je veux vraiment t'inviter dans mon émission. Ah, bah écoute, si je suis invité par téléphone, alors je suis content. Ah, bah c'est juste par téléphone, et en plus, moi je vais être animateur radio plus tard, je compte faire le Studec à Pellebac. Ah, le Studec, c'est une école de radio sur Paris, ouais. Ouais. Donc j'espère être stagiaire chez toi un jour, j'espère. Eh ben écoute, avec plaisir. Moi, on m'a encore demandé tout à l'heure là, en sortant du studio, mais quand vous voulez les gars, envoyez-moi des mails, hein, guillaume@energie.com, les stagiaires on en cherche. Ouais. JM du standard, il cherche, c'est lui qui s'occupe des stagiaires et c'est tout. C'est ça, ouais. Donc n'hésitez pas, hein, guillaume@energie.com. Si vous êtes majeur, vous pouvez rester pendant l'émission, sinon c'est interdit après 22h. Ah oui, c'est ça. En vrai, on s'en bat les couilles, mais je suis obligé de le dire. Donc voilà, avant 22h, sinon vous êtes mineur et tout, mais vous pouvez quand même venir en stage et les majeurs si vous voulez venir aussi le soir et toi, avec plaisir. Je t'embrasse, mon Guillaume. Je te repasse, ouais. Julien, pour l'adresse du cadeau. Yes. Ok, merci. Ouais. Ok, à bientôt. Bravo, bien joué. Ouais, bisous, merci. Ouais. Ciao, il y a Laurent qui est là. Bonsoir, Laurent. Ensuite, entre Jérémy et Bastien. Salut, Laurent. Salut, l'équipe. Salut. Salut. Laurent, 23 ans de Gaillard dans le 74, et ensuite Bastien, 14 ans de Bourg-Saint-Maurice, et Julien, 24 ans. Alors vous êtes nombreux à appeler. Laurent, on va vous mettre tous les trois à l'antenne, hein, les loulous là. Laurent, Jérémy et Bastien, vous m'entendez? Ouais. Superbe. Alors comme ça, il y a tout le monde. Laurent, qu'est-ce que vous voulez raconter alors? Bah, on est parti en vacances entre potes en Espagne. On parlait de bagarre et tout, de se battre un peu violemment, ouais. Ouais. Donc en fait, on est parti en boîte comme tout le monde, on fait la fête. Et puis moi, je suis quelqu'un d'assez posé en boîte. Mais d'un coup, j'entends des cris, tout ça, et je vois mon pote en train de se faire frapper au sol. Donc moi, je réagis en fait, et je fais du football américain. Donc le gars, je le plaque au sol, tu vois, tout ça. Ouais. Et il y a ses potes qui arrivent et qui commencent à nous sauter dessus, quoi. Donc les videurs arrivent, et là, ça aurait pu se terminer là. Sauf qu'à la sortie, il y a tout le temps les flics en Espagne, donc on s'est fait courser, on est vite rentré à l'hôtel, quoi. Ah ouais, d'accord. Ah merde, oui. Ouais. Faut faire attention en Espagne. Ouais. Ouais. En Espagne, t'es pas chez toi, tu fais attention. Exactement. Non, mais dis ça, là-bas, quand tu fais attention. T'es pas chez toi, dans des pays étrangers, faut faire attention. Ouais. S'il t'arrête. Jim, tu fais comme Garcia, il avait niqué deux cônes, il avait filé le numéro de sa carte bleue à l'antenne, mais Tom le Viking. Ah non, ça c'est bâtard. Et ça, alors là, après, je pense que ça part en procès et tout, parce qu'il y a des vols d'argent et tout. Ah bah la carte bancaire, j'imagine. Ah, il y a d'autres codes, on trouvera bien. Il y a d'autres choses. Il y a les adresses postales. Voilà. surtout pas. Et dans la pub, le jour où tout a basculé, tu trouves pas que le gars, quand il dit mais arrêtez, ressemble à la voix de Flo des cadeaux? Ah, j'ai pas vu, c'est quoi le jour où tout a basculé là? La pub de le jour où tout a... Non, j'ai pas vu, ouais. J'ai pas vu. Ça me dit rien. Je vais regarder, ouais. Donc Laurent qui s'est battu. Et tu t'es fait casser un peu la gueule ou pas trop là, toi? Pas trop, c'est juste mon pote qui a pris, parce qu'il était au sol, il a pris des coups de pied dans la tête, tout ça, puis on a eu de la chance de pas se prendre les flics surtout, c'est ça? Ouais, c'est sûr. Ça aurait pu être pire. Hein. J'aime du standard, la plus grosse bagarre, tu nous avais raconté, ouais, ouais. Flo, des cadeaux aussi d'ailleurs. Ouais, je m'étais fait casser la gueule par le petit frère d'un mec. Ah, c'est ça. Et Bastien de Bourg-Saint-Maurice, 14 ans, comment tu t'es battu, la plus grosse bagarre, on parle de ça là? Ouais, alors moi j'étais en train de faire un foot comme Flo en début d'émission là. Ouais. Et donc il y a un gars avec qui je m'entendais pas trop déjà à la base, qui a commencé un peu à chercher, bon voilà, normal. Donc à un moment, donc il m'attrape par le col comme ça. Donc je l'ai poussé. Et donc je l'ai mis de gauche, vu que je suis gaucher. Et je me suis pété la phalange sur sa gueule quoi. Ah ouais, tu l'as tellement tapé fort, tu l'as cassé quoi. Ah t'es un malade. Bah, j'ai surtout cassé ma phalange sur sa gueule quoi. T'as cassé la phalange sur sa gueule. Le pauvre. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé pareil dans une bagarre vraiment où ça a tapé sévère et pour quelle raison vous êtes retrouvé en train de vous battre comme ça? Comment ça s'est passé? Comment on se retrouve dans une bagarre où ça tape vraiment violemment quoi, hein, je parle. Guillaume et votre message avec votre numéro de téléphone au 612. Venez nous raconter ça. On se fait la bicycletta. Je prends tous les appels maintenant. Je vous dis, hein, il est 23h35. On est en direct. On n'est pas pour rien en direct. C'est pour pouvoir vous prendre maintenant. Comme ça, quand il y a un appel au numéro, je vous rappelle tout de suite pendant le morceau là. Guillaume et votre numéro avec votre petite histoire en une ligne hein, au 6 11 12. Venez nous raconter comment vous êtes déjà retrouvé dans une bagarre en 2 secondes sur Énergie. Que te lleve a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe, que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón, latiendo por ti, latiendo por ti. Y es la favorita la que canta la zona, se mueve en su cadera como un barco en la sola, tiene los pies de calzo como un en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti, aquí yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto, que hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Que sienten que alguna demuestra sentadona. Después no quiero. qui est bon, pas par deux. Les cerises, les Twix et Guillaume Radio 2.0. Pendant 2 heures, de 22h à minuit. Du lundi au vendredi, sur Énergie. Allez, de retour. Tu restes fidèle au Paris. Avec un mec qui avait frappé mon petit frère, le mec a fini avec la jambe dans le plat. Putain, là, aïe. Moi, pour une grosse bagarre, je suis passé 5 fois au tribunal, j'ai eu le bracelet électronique pendant 8 mois. Salut Kevin. Attends, tu peux ralentir Jérémy, ça fait du bruit à l'antenne là. Ok, je suis désolé. Ou monter la fenêtre, un truc, mais ça fait vraiment beaucoup de bruit là. Parce que c'est à toi de passer maintenant. C'est pour qu'on puisse t'entendre mieux, parce qu'on a que la voix. Donc, Jérémy qui est là, qui a 24 ans, du 45 dans le Loiret. C'est ça. Tu viens de quel lieu dans le Loiret? Wacky papa! Vous allez bien? C'est qui le papa? RIP pour le numéro AJM. T'as dit quoi? RIP pour le numéro AJM. Ah ouais, c'est pas grave, poto, y'a plus grave dans la vie. Bah ouais, c'est ce qu'il faut se dire. C'est sûr. Oh, le mec il se prend point. Non, mais ça m'a fané sur le coup. Ah ouais. Ah, il a pas l'air bien. Ça s'appelle encore, non? J'ai mis un avion, je sais. C'est vrai? Bah oui. Non. Ah, ça va. Ah ouais, mais sinon ça a sonné. Le problème, c'est que j'aime ça, il dort avec le téléphone allumé. Alors. Eh ben ouais. Ça va faire chier. C'est la nuit blanche. Je suis le chasseur, t'es la poire. Ça va être toi, seul, je vais finir ma soirée. Est-ce qu'il y en a qui m'ont donné le numéro de JM du Standard à l'antenne? Ouais. Je ne dirais pas qui, j'ai trouvé ça moyen. Ils ont osé faire ça. Non, vraiment, j'ai trouvé ça abusé. Jérémy qui est là, du coup, routier, représente tous les routiers, on vous embrasse les potos. Big up, big up, big up. Qu'est-ce qui t'arrive, mon Jérémy là? En fait, moi j'étais en soirée dans un bar. Ouais. En soirée où dans mon patelin en fait où je connais les barman, il y a des mecs qui sont arrivés en fait vers la fermeture. Trois mecs, ils étaient pas du coin et tout ça, ils arrivent à la fermeture comme ça et ils étaient habillés en plus en jogging et tout, et c'était un bar un peu voilà où il faut quand même bien saper à la fin quoi. Et les mecs ils ont dit ouais non désolé on part pas et tout. Donc les barman ils ont dit ok pas de soucis machin. Ils sont partis après, ils sont revenus. Et les barman ils ont dit bah les gars je vous dis qu'on va fermer et tout. Les mecs ils ont pas voulu, ils disent bah ok on va sortir dehors. Ils sortent dehors et tout, nous on les voyait par la fenêtre et tout, ceux qui étaient dans le bar les habitués. Donc le propriétaire il va chercher dans sa chambre parce que lui il fait du kickboxing un peu, donc il va chercher un gant, tu sais que t'as pour les kickboxing là. Ouais. Il va le chercher et tout, donc du coup ils vont sortir dehors et tout. Et là boum, à côté de leur voiture, ils étaient garés juste à côté du bar les mecs. Et là boum, ça commence à partir en chlore et tout le monde part. C'est du bar, on était au moins une quinzaine, tout le monde est sorti et tout. La bagnole, les mecs ils commencent à rentrer dans leur voiture parce qu'ils voulaient partir comme ça. Les mecs ils mettaient des coudes dans la bagnole, ils arrachaient la porte de la voiture, tout ça. Donc le mec, ils étaient trois. Le mec il commence à reculer comme ça face au bar. Je dis oh putain il va rentrer dans le bar le mec. Et en fait il a foncé avec sa voiture juste à côté du bar comme ça. Les mecs ont essayé de retenir un peu la voiture. Du coup les mecs sont barrés et tout. Il y a des grosses bagarres, ça se bat parfois, hyper fort. Ouais, ils sont bons. Moi j'avais sorti mon portable, j'ai réussi à filmer un bout de la bagarre. Oh. Et alors mes potes, je leur ai montré comme ça, ils m'ont dit ouais bah, franchement on voit pas grand chose. Mais on voit quand même que c'est parti vraiment en couille, on voit les mecs arrêter la voiture et tout. Et du coup une fois que c'est fini. Les mecs ils savaient qu'ils allaient revenir. Du coup ils sont revenus à 6h du matin. Et les propriétaires ils avaient dormi dans le bar. Ils ont jeté des cocktails Molotov dans le bar en fait. Mais c'est dans quelle ville ça? C'est je sais pas si je peux dire le nom. Parce qu'après voilà, c'est une petite ville et tout. C'est dans le Loiret. Dans le Loiret en fait, à côté d'Orléans. Ouais. À 35 km d'Orléans. Ce week-end j'ai vu le pauvre Julien Stagiaire se faire défoncer l'anus. Ah bon d'accord. Moi je me suis battu en boîte de nuit contre 5 mecs. Salut, moi je suis mec de sécu. Et une fois au taf, grosse bagarre dans un bal, on était 10 mecs de sécu contre une trentaine de gars. Salut Mathieu. Ah, 10 contre 30. Ça commence à être serré là. Ouais, salut l'équipe, moi un jour j'ai failli tuer un mec. Ce connard était tout content de dire qu'il connaît sa copine. En plus militaire et supporter du PSG. Heureusement que j'avais des potes avec moi, sinon il était mort. Chris du 57. T'as pas laissé ton numéro, il me manque un chiffre sur ton numéro, mon poteau là. T'en veux des histoires bagarres, poteau? Il y a 25 ans, quartier libre avec la famille légionnaire en Afrique. Alors, j'ai pas la suite de ton message, mon ami. Laisse-moi ton numéro de téléphone si tu veux bien. Parce que sinon, je peux pas te rappeler, quoi. Je vois pas le numéro d'envoi, moi. On est tombé sur deux filles qui violaient une demoiselle. Je les ai attaquées avec mon coupe-coupe. Toujours sur ma cuisse en sortie. Ah oui, ah bah là, c'est. T'as bien fait, limite. Ah, avec la famille des légionnaires. Salut, les gars, là. Salut. Moi, j'ai fracassé un mec une fois parce qu'il m'avait manqué de respect dans la rue. On se raconte nos histoires. Matt, 29 ans, bonsoir à Draguignan, là. Ouais, salut. Salut Matt. Salut Matt. Kevin, 28 ans juste après. Steven, 30 ans. On se raconte un peu les grosses bagarres qu'on a vécues dans notre vie. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, Matt? Eh ben, écoute, moi, c'était une bagarre qui a bien dégénéré. C'est passé aux infos. C'était en 2012. Ouais. À Carquera, dans une ville du sud. Ouais. Une boîte de nuit vachement connue, bien fréquentée par les joueurs du RCT et tout de rugby. Et ben petite bagarre de rien du tout à la sortie, tu sais, les gens bien alcoolisés, bon on était nous aussi bien alcoolisés avec un collègue. Et ben petite friction au moment de payer parce que c'est un système de carte bancaire là-bas, c'est un peu compliqué. Ouais. Bah, c'est un peu partout pareil, carte bancaire, non ? Soit liquide chèque ou c'est pas. Non, là-bas en fait quand tu rentres, ils te prennent en photo comme au casino, ils te donnent une carte. Tu consommes tout à l'heure. Ah, tu payes à la fin, ouais. Et à la fin, mais le problème, c'est que ça crée une queue à la fermeture. Ah, est-ce que tout le monde doit payer ? Ouais, c'est ça, ouais. Il y a des endroits comme ça. Et tu bois un peu plus que si tu ne devais pas payer à chaque fois. Ah, ça, c'est malin. Ça, c'est intelligent. C'est pas con. Et après, bagarre, par contre. Après, bourré, ouais. Mais ouais, le problème, c'est qu'il y en a toujours un ou deux qui veut pousser, qui veut faire le mariole à la fin. Donc, j'ai mon meilleur ami qui était quelqu'un d'assez costaud et qui en a frappé un, qui avait cherché un peu les noises à ma femme. Et ça, bon, ça. Le videur nous sort, c'est pas compliqué. Et puis il le sort lui aussi. Et là, il se rend compte que lui avait pas vidé sa carte, donc avait pas payé ses consommations. Donc lui, ils le feront rentrer. C'est une bonne technique en fait. Tu te fais sortir comme ça, tu payes pas quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, il s'est aperçu qu'il avait sa carte qui était encore créditée, donc il a dit bon, on va le faire rentrer pour payer. Et là, il repasse devant nous. Et à ce moment-là, ça se commence à se friter un petit peu plus. Et là, les videurs s'en mêlent. Où là, on est parti. Ça a commencé à partir en belle bagarre générale. Toutes les amis de ce mec sont venus, nous ont foncé dessus, les videurs nous frappaient, bon ils ont pas trop compris qui frappait, les videurs n'étaient pas très intelligents sur le coup. Et pour terminer, cette bagarre s'est terminée sur le rond-point devant la boîte de nuit parce que c'était vraiment très généralisé. Ouais. Et ce qui a fait la une des informations, bah, c'est 10 minutes après, quand les gendarmes, tout le monde est arrivé, les jeunes qui étaient repartis avec leur voiture aussi vite. Qu'ils étaient venus, bah, ils ont criblé la boîte de nuit de boîte à la Kalachnikov. C'est vrai ? Oh putain, ah, ils ont tiré dessus. Ah ouais, il y a des mecs qui ont des Kalachs juste pour une bagarre de boîte. Ah, c'est rien. C'est débile ça. Et de plus en plus. Parce que tu risques 15 ans de prison pour juste de l'honneur de rien du tout. Quoi. Honneur, ça, c'est quand même très français, les embrouilles tout le temps à droite à gauche pour rien. C'est vrai, ça n'a absolument. Là, ça va trop c'est vraiment loin. Dans quasiment tous les autres pays dans le monde, ça n'existe pas. Ouais, c'est ouf. La petite délinquance qu'on appelle les embrouilles où ça se. Ça gâche la merde pour rien, c'est vrai. Finir en fusillade à la Kalach, c'est m'amuser. Il y a Mathieu aussi, 27 ans. Tu m'entends, Mathieu ? Pierre, on se fait jouer des hôtels. Ouais. Ça, Mathieu ? Salut. Tranquille ou quoi ? On se raconte un peu les histoires. Steven, tu vas nous raconter que tu t'es battu contre 5 mecs. Oula. Ouais. De la selle en coglé. Salut, man. Salut, gros. Et puis Kevin aussi, grosse bagarre. Il va nous raconter de beaucoup zé, là. C'est marrant, il y a plein d'appels à propos de ça. Qu'est-ce qui t'arrive, Mathieu, d'abord ? Alors, bah, du coup, moi, j'étais missionné avec une équipe de sécu. On était 10. Il y avait 2 maîtres chiens et puis tout le reste. Ouais. En ADS. Et du coup on était missionné sur un bal de campagne, tout simplement. Ouais. Et arrivé sur place, tout se passe bien, etc. Après une petite bagarre intérieure, donc moi je sors un gars, je le mets à l'extérieur. Et en fait là-bas tout le monde se connaît dans les petits bals comme ça. Donc lui il s'est mis à appeler ses potes et ils ont organisé tout un truc. Il y a eu une petite bagarre de femmes pour en fait nous disperser. Et ils ont dit il y avait un accident de voiture pas loin. Donc les agents de sécu ils sont tous dispersés. Et après ils sont mis autour de moi à 10. Ils m'ont mis au sol en fait. Et c'était un peu des rockers. Enfin ils avaient des rangers tout ça. Et donc ils m'ont criblé de coups de pied. Ah ouais. Et, putain c'est, ils ont organisé un truc avec une fausse bagarre. Et juste le légionnaire, j'ai pas eu ton numéro en Afrique là. Laisse-moi ton numéro Guillaume et tu me renvoies ton numéro. Tu marques légionnaire au 6-11-12 et je vais te rappeler direct. Excuse-moi Mathieu. Donc tu te prends des coups de pied. Et du coup après donc y a mon collègue il arrive à me sortir. Et là ils sont tous légués contre nous. Donc contre l'équipe de sécu qu'on était d'une autre ville en fait. Donc on se retrouve face à 30 personnes. Il y avait un petit chantier à côté, donc ils ont pris des barres de fer, des machins. Donc nous on appelle les flics. Les flics ils arrivent avec une estafette de ils étaient deux dedans en fait. Donc deux, ils font rien franchement. Bah si ils ont rien. Deux gun et tout. Bah oui c'est la police quand même. Voilà, une fois la gendarmerie qui arrivait. Et en fait c'est les pompiers qui ont fait un. Ils sont mis devant avec les camions et nous on était derrière les camions pour se protéger en fait des jets. De pierre et tout dans un petit village quoi. Ah, c'était chaud comme ça quoi. Ouais. En fait ils se connaissent tous donc ils sont retrouvés ils arrivent vite un peu contre l'équipe de sécu en fait dès que ça se bat après ils étaient combien ils sont... 30 ouais une trentaine ouais bah tous les potes en fait 30 potes franchement ça peut vite partir moi j'ai pas ça ça peut vite partir en couille non mais après c'est des bandes dans les villages les équipes regarde ça c'est toi qui t'es arrivé le pire quand tu bossais en sécu mais après en sécu on a toujours plein d'histoires de bagarres, boîte de nuit et machin, ou même quand t'arrives sur les cambriolages, du coup tu chopes le gars, après tu cours après, ou

tout ce qui est bon va par deux. Les cerises, les Twix et Guillaume Radio 2.0. Pendant 2 heures, de 22h à minuit, du lundi au vendredi, sur Énergie. Allez, de retour à l'antenne. Salut Guillaume, moi c'est Tom le Viking, l'ex-légionnaire. Excuse, j'arrive chez un client routier, Peupatel, t'inquiète, je suis très souvent là. T'as déjà dû voir mon nom, Tom le Viking, bien sûr. Oui, salut Tom. On en parle un jour demain peut-être, désolé, taf, pas de problème. Bon courage à tous ceux qui bossent là, la nuit. Hein. 23h54, le boulot first, hein, bien sûr, boulot d'abord. C'est important. Ouais, bon courage hein, si vous taffez d'ailleurs, les gars. Là. Je sais qu'il y en a plein qui bossent de nuit, les filles, partout, là, dans les hôpitaux, je sais qu'il y en a qui bossent dans les pompiers. On vous embrasse, les boulangers, ceux qui sont à la police, les pompiers qui ont sauvé. Là. Bon courage, les mecs, dans les usines. Gros bisous à tout le monde. Les mecs de sécu, évidemment, on vous embrasse aussi. Les pêcheurs qui bossent la nuit, bon courage à tout le monde. Qui nous écoutent dans les bateaux parfois. Avec, ouais, t'imagines, c'est ça. Il y a des autoradios dans les bateaux. Il y a des bateaux radio, du coup. Ouais, ça capte. Hein. Ouais, ça existe vraiment, quoi. Il y a Melvin qui est là pour le jeu des hôtels, des noyés. Tu m'entends est-ce que tu m'entends, Melvin, des noyés? Ouais, ça va, ouais. Ça va quoi, dans le 17, hein, Charente. Maritime. Charente, ouais, Maritime. Allô. Salut. Vous allez bien? Papa. Ça va ou quoi? Enchanté, Melvin. Ah ouais. Petit là. Ouais, petit débuflage. Ça rentre de là. Et ça sort. Oh, bienvenue. Bienvenue à toi. On se fait plaisir. On rentre dedans. Non. C'est toi qui tient la page Facebook la dernière fois que je me suis dit ce soir je me couche tôt, il était 4h du matin. Voilà, c'est ça. En vous écoutant, bien sûr. Ah bah, c'est gentil, mec, merci beaucoup. On appelle des hôtels, le principe est simple. Pour terminer, c'est un jeu des hôtels comme on n'en fait plus. On va faire le replay. Tu vas appeler un hôtel et tu vas à chaque fois répéter la phrase qui t'a dit, ensuite tu dis la tienne, d'accord? Ouais. D'accord. Mais tu prends vraiment la même intonation. Par exemple, JM du Standard joue l'hôtel. Oui. Ça sonne, l'hôtel répond. Hôtel Ibis, bonsoir. Hôtel Ibis, bonsoir. J'aimerais réserver une chambre, s'il vous plaît. Oui, pour quand, monsieur? Oui, pour quand, monsieur. Voilà, vous répétez et ensuite vous parlez. D'accord, Melvin? D'accord, dis pas de... Allez, fais-le, frérot, je vais voir. Bienvenue dans le réseau Brit Hôtel. Nous allons donner suite à votre appel. Gardez le contact avec nos Brit Hôtel grâce à notre centrale de réservation au 0825 00. Il est 23h55, c'est possible que ça ne réponde plus. Brit Hôtel Cascontal, bonjour. Brit Hôtel Cascontal, bonjour. Bonjour monsieur, excusez-moi, je suis bien à l'hôtel? Oui. Oui. Je vois un renseignement sur votre hôtel, s'il vous plaît. Oui. Oui. C'est des chambres duo, trio ou quadro? Allô? Oui. Non, c'est des chambres simples, doubles. Non, c'est des doubles. D'accord. Et j'ai une petite question aussi par rapport au petit déjeuner. C'est inclus dans la chambre ou faut payer en plus? Ah, c'est en plus. Ah, c'est en plus. Ah ouais, en plus, d'accord. Et il y a un parking. Le parking est assez grand, quoi, parce que je pense arriver avec beaucoup de monde, en fait. Ah ouais, mais il n'y a pas de problème. On a un grand parking. On en a deux, même. Ah oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de grand parking. Il y en a même deux. Ah oui, d'accord, ok. Et les douches sont assez spacieuses parce que j'aime bien prendre de la place dans la douche. Allô? Oui. Oui. Oui. Oui. Bon, mais je vous laisse, j'ai du travail. Bonne soirée. Bon, ouais, je vous laisse. Non, non, monsieur, mais attendez, j'ai d'autres questions, s'il vous plaît. Ah ouais, mais non. Allô? Vous amusez derrière, alors bon. Il faut que vous amusez, d'ailleurs. Ah non, pas du tout, monsieur, non, c'est sérieux. Attendez, je prends. Excusez-moi, monsieur. Non, attends. Hôtel La Fontaine, bonsoir. Hôtel La Fontaine, bonsoir. Bonsoir monsieur, j'aimerais réserver une chambre d'hôtel, c'est possible ou pas? Non. Non. Ça serait pour demain soir monsieur, s'il vous plaît. Bah vas-y, nique ta mère. Ça serait pour demain soir, c'est... Oh, il est bon lui. Attends, appelle un autre, appelle un autre. Get a story de fou, mais j'avoue. Ouais, j'en fais, je le passe. Get a story. Camporteur, moi, il t'attique pas. Bonsoir. Bonsoir monsieur, ça serait possible de réserver une chambre? Pour ce soir, on est complet, il ne reste plus rien du tout. Pour ce soir, on est complet, il ne reste plus rien du tout. On va bien te faire une cuillère. On dirait que tu me parles comme ça. Alors, j'aimerais, ça serait pour la semaine prochaine, s'il vous plaît, monsieur. Voilà, non mais, moi, je suis tombé sur deux têtes de. Sur deux têtes de flûte, comme dirait ma grand-mère. Je reste fidèle. Putain, ça arrête pas là. On appelle l'hôtel de la reine. Oh, hôtel là, bonsoir. Ouais, hôtel, bonsoir. J'aimerais réserver une chambre, monsieur. Bonsoir, monsieur. Voilà. Non mais, lui, c'est un fou, il veut dormir ou quoi? Non mais attends, j'y vais abuser, tu sais quoi, j'y vais abuser. Voilà. Non mais vas-y là j'y vais. Perdu pour perdu. C'est bon, attends. On y va. Alors attends. Faut que ça réponde par contre. Hein. Faut que ça réponde. Hôtel Mercure Centre des Papes. Mais il sonne même plus. Alors là, c'est la fin des récouverts. Hôtel Les Bergers de la Loire. Vas-y, appelle celui-là, j'ai le standard. Ouais, ok. Ça sonne pas non plus. Ah, bon, c'est bah ça. Attends, troisième. Standard. Dans un cadre chargé pour les fonctionnaires. Ah non, putain, mais c'est quoi ces hôtels de merde? C'est encore je sais qui a fait ah les non, listes. Ce soir j'ai rien fait. Attends, putain, ils sont longs à sonner. Il y a, je crois qu'il y a un bug au standard. Ouais, je crois. Hein. Parce que... ou contactez-nous par mail à Nantes. Vas-y, j'y vais fort, j'y vais fort. J'y vais fort. J'y vais les deux pieds en avant. Allez. Je me déforme et tout du visage. Je crois qu'elle va pas nous répondre encore. Choisissez la liberté, le confort et la convivialité. Best Western, Hôtel Uric. Hôtel École, bonsoir. Hôtel École, bonsoir. J'aimerais réserver une chambre, monsieur, si possible ou pas? Allô? Oui. Oui, j'aimerais réserver une chambre, c'est possible ou pas, monsieur? Oui, c'est possible. C'est possible. Ce serait possible pour réserver pour demain, monsieur? Oui, il y a la chambre libre. Oui, il y a des chambres libres. Ça serait pour une personne, s'il vous plaît, avec ma femme. Donc deux personnes. Allô? Allô? Oh là, putain, mais attends, mais comment c'est possible? À quel moment tu mets un standardiste qui ne comprend pas le français, qui parle pas, qui on comprend rien? Non, mais sans déconner, à quel moment t'embauches un mec pour répondre, pour prendre des réservations pour ton business? Ouais, voilà. Tu mets un mec qui ne parle pas français et qui comprend pas. C'est le cadre du chiffre d'affaires. Non, mais c'est clair. T'as un client un peu nerveux là. Moi, ça, j'appelle un hôtel, le mec. Comme hôtel le roi Arthur, bonsoir. Coniche le roi Arthur, bonsoir. Ça serait pour réserver une chambre d'hôtel, monsieur, s'il vous plaît? C'est quelle chambre? C'est quelle chambre? Ça serait pour justement réserver une chambre, s'il vous plaît, monsieur. Allô? Pour réserver pour quand? Pour ce soir? Pour ou... réserver pour quand? Pour ce soir? Non, ça serait pour demain, monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez téléphoner demain matin? Les réceptionnistes sont là. Est-ce que vous pouvez téléphoner demain? Les réceptionnistes sont là. Je pourrais pas demain, je suis au boulot. Melvin, mon petit frère, prends la réservation, s'il vous plaît. Ah, allô? Allô, monsieur? Vous pourrez réserver une chambre? Non, mais ça marche pas. Voilà. Et ça sert à rien d'assister, sinon pendant toute la soirée, on a déjà fait 100 fois, mais la quand poisse. Ça veut pas, ça veut pas. Ouais, hey, Melvin, tu veux faire une dédicace avant de partir? Bah ouais, vas-y, vite fait. Vas-y, vas-y. Dédicace à Aurélie, ma meilleure pote, sa mère Christelle, que j'apprécie, toute ma classe, lycée, pas lycée, voilà, tranquille, et tous ceux qui m'écoutent, mes parents et tout, tranquille. Ah, y'a pas de problème. Y a des parents qui écoutent là? Ouais, j'ai des parents qui écoutent, ouais. Eh bah, salut aux parents. Comment ils s'appellent tes parents? Il y a Céline et Ludo. Céline et Ludo, très bien. Eh bah, vas-y salut. Alors, y'a pas de problème, frérot. Fais une petite dédicace. T'as cours à quelle heure demain, Melvin? 8h. À 8h, d'accord. Ah, bon courage. Pour 8h, en quelle classe, toi, tu m'as dit, Melvin, déjà? Je suis en terminale gestion administration. Terminale, très bien. Vas-y, bah, bon courage. En tout cas. Melvin, bah, Melvin des nouillés. Quelle soir. Bon nouilles. Courage, des nouillés. Bon courage hein, à tous ceux qui ont cours demain, à tous ceux qui vont en cours et tout. On se retrouve de toute façon, quoi qu'il arrive, tout le temps, on se suit hein, le soir et tout. J'ai trouvé le numéro de Julia. Salut Anatole. T'as reçu des messages? Ouais, j'ai reçu des messages. J'ose pas le dire. C'est vrai? Comment ça se fait? Ils ont appelé 100 numéros. Ouais, je pense. Bah, il y a deux numéros en tout cas qui m'appellent et qui me. Enfin, je pense que Ouais, qu'est-ce qu'il y a, James Zandar? Ça s'arrête plus. C'est vrai, t'as combien de messages? Ah, attends, là, ça va dans les SMS, dis-nous combien t'en as reçu. Non, mais ça a l'air d'aller. 37. Mais oui, 37. Ça va, en train de charger depuis tout à l'heure. Hein. J'ai un stagiaire, combien tu as reçu de messages l'autre fois? Plus de 5000, mec. Ouais, ouais, il a eu 5000 messages. Ouais, mais t'as vu comment on l'a dit? Ça, c'était vivant. 5000 messages pour un stagiaire. Ah ouais, 5000 moi. J'ai donné son numéro de téléphone, je peux vous dire, le portable. Je me rappelle, je pensais qu'il allait lâcher. Il a pas lâché, il était son portable, puisqu'il était extrêmement chaud et tout, c'était une horreur. Il a résisté. Et il a résisté, exactement. Bon, en tout cas, j'espère que ça va à tout le monde. Hein. Bon courage pour les cours, les frérots. On se retrouve demain, 22h, même le vendredi du coup, hein, 22h minuit. On est bien content d'être là le vendredi maintenant. On se fera le clash de la semaine demain soir, bien rigoler aussi. On se fera le nouveau jeu là qui s'appelle Il n'en restera qu'un, avec une bonne musique derrière. Il n'en restera qu'un, j'en prendrai 8 au standard. Et à chaque fois que je poserai une question, si jamais vous perdez, ça raccroche instantanément. Si vous avez bon, vous repassez au tour suivant. Il n'en restera qu'un, on fait comme ça demain soir. Bon courage sur Facebook, Twitter, Instagram, les gars. On se retrouve. Guillaume Play, PLEY. Je fais un gros bisou. À demain, j'aime ça. Bonne nuit, Guillaume, bonne nuit. Bon courage pour le téléphone. Ah oui, ça va aller, t'inquiète. À demain, j'aime du standard. À demain, j'ai le stagiaire. À demain, Guillaume, bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, dors bien. À demain, Julia aussi. Salut, là. Guillaume, salut tout le monde. Dors bien, Flo des cadeaux. Bonne nuit, Guillaume, bonne nuit, tout le monde. Allez, bonne nuit, les potos. Mickaël qui arrive, il y a un problème de connexion de studio comme hier. Mais tant qu'on résolve le problème, je balance un titre, on se fait Nicky Jam. Hasta El Amanecer. On se le calme maintenant et juste après, il y aura Mickaël jusqu'à 4h du matin pour passer une bonne nuit. Je vous embrasse très fort, les copains. Bien content de passer les nuits avec vous. Je kiffe ce gros moment à chaque fois de nos villes soir, 22h à minuit. Gros bisous. Bien content de faire de la radio ensemble et à demain sur Énergie. Óyeme mamacita, tu cuerpo y carita.

Avec quoi? Attends, mais c'est pour la vaisselle, ça, ton t-shirt, ton mon chemise, t-shirt. Ta chemise. N'importe quoi. Mais tu sais, c'est un truc à carreaux, j'ai l'impression que c'est le truc des, tu sais, pour essuyer la vaisselle. Mais pas du tout, n'importe mais quoi. Pas du tout, c'est le nappe pour aller pique-niquer. Non, mais peu importe la marque, je m'en fous, c'est juste mais que. Mais non, mais même dans la petite maison de la prairie, ils ont ça. Oui, mais les maison dans la prairie. Ah, tu es bûcheronne. Bûcheronne, d'accord. Et t'as mis ça pour plaire à Apollo. Comme tu sais qu'il est fan de la petite maison dans la prairie, tu t'es dit, voilà, je vais peut-être ressembler à Laura Ingalls. Bah là, c'est plus Charlie Ingalls, hein, mais c'est bon. Vrai. Ouais, pour le coup, effectivement. Ouais. Bon, bah, Tof, qui est également, qui va se faire insulter ce soir. Bah, évidemment. J'espère, en tout cas. Bah, comme un mal propre. Ah, bah. Bon, espérons-le, en tout la cas. La violence gratuite. Toi, ta famille, ta voilà, mère, monsieur, on l'est souvent. Attends, j'en ai un autre. Ta mère, en tout cas, je l'ai baisée tout à l'heure, elle était super bonne. Ah, bah ouais. On a mal entendu le début, hein. Un éléphant est sorti, il se veut se tâcher de ta mère, fils de pute. Voilà. Je vais niquer ta grosse gueule de bâtard. Encore un petit. Enfant de pute, ta pute de mère. Voilà, bon, ça c'était hier soir. Bon, si vous avez des numéros de téléphone aussi sympas que ceux-là à nous proposer, vous pouvez bien sûr envoyer ça sur le mail de Tof, toph@energie.com. On va accueillir également Ludovic qui est avec nous. Salut Ludo. Ludo, c'est ma faute. Salut Ludo, ça va et toi? Ça va, nickel. Bon, ben bienvenue. Ah ben tranquillement, merci. Tranquillement. T'appelles d'où, Ludovic? Alors, ben moi, bon, premièrement, je suis routier, mais je réside dans le Pas-de-Calais, près de Nantes, Salomine. Eh ben écoute, c'est bien aussi, très bien, Ludo. T'as appelé le 01 40 71 5000, d'ailleurs, il y a Seba au standard, dit l'espagnol, dit le parasite, dit à l'aise, qui est à l'aise hein, ce soir, il est à l'aise. Il est au summum du à l'aise. À l'aise. Plus qu'à l'aise. On l'a déjà connu à l'aise, mais là il est encore dans un. Ah, il a un créneau au-dessus. Ah, il a un level au-dessus au niveau du à l'aise, ça c'est clair. Bon, et on va parler de quoi avec toi, Ludo, dis-moi. Bah, écoute, j'avais appelé hier pour les petits problèmes. J'avais eu un mineur du standard, les petits problèmes sexuels. J'avais été mis en attente et bon, j'ai pas pu passer. Ah oui, c'est vrai qu'on n'avait pas eu le temps. Autant pour moi. C'est vrai qu'on avait demandé hier si vous aviez déjà eu des. Des accidents sexuels, tu sais, genre vous êtes pété le frein, genre vous avez, enfin tu vois. Et donc t'as eu quoi toi alors du coup? Bah écoute, comme j'expliquais à Mina, c'est pas moi qui ai eu, c'est un ami, donc pour. Oui, d'accord, c'est un ami. Clin d'œil, oui, clin d'œil. On a compris. Non, non, sérieux, hein, comme j'expliquais à Mina, avant d'être rouché, j'étais dans la police. Bon, j'avais mon ami qui s'était mis avec une petite demoiselle qui était déjà. D'accord. Et il s'avérait qu'il a eu la contraction. Elle a eu la contraction vaginale dessus. Mais ils avaient fermé la porte à clé. Donc, appel des pompiers. Ouais. Qui nous, automatiquement, patrouille dans le secteur. On nous appelle. Donc, l'adresse me disait quelque chose, mais je ne savais plus vraiment si c'était ça. On arrive là-dedans, les pompiers ouvrent la porte. Donc, nous, on rentre dedans. Et arrête, on demande quoi. On dit, bon, bah, c'est peut-être aussi une petite connerie. Attends, t'as le truc manibre où vous parlez, Ludovic, parce qu'on comprend très mal. Hein. Déjà, moi, avec le casque, j'ai du mal à comprendre. J'imagine celui, bah, comme toi, Ludo, qui est dans son camion, il doit rien piger. Tu m'entends mieux, là? Ouais, nickel, ouais. Donc, t'étais pompier, donc c'est ça, on t'appelle pour l'urgence, et donc? Voilà, donc, nous, ensuite, on nous appelle. Donc, en patrouille dans le secteur, on nous appelle pour une ouverture de porte. Ouais. Il s'avère qu'on se présente à ce domicile. Et le pompier monte, donc le pompier lui prend l'initiative de monter et commence à péter une barre. Donc dans un camp on rigole et là je vois la tête de mon pote, la meuf sur lui, tête de mon pote en train de suer, de crier comme un malade. En fait elle avait bloqué à l'intérieur. Ah, elle l'avait bloqué à l'intérieur et ça lui faisait hyper mal. Ah mais oui, bah bien sûr, en fait c'est les muscles vaginaux qui serrent. Elle était en train de lui écraser la bite. Bah ouais, mais voilà, lui a écrasé la bite et puis lui, bon, bah, il prenait son pied. Elle aussi, elle a dû prendre son pied, mais le petit truc, c'est que, bon, bah, les pompiers commencent à faire les. J'en rigole encore, les premiers, dire des piquets, voilà, etc. Donc le mec, ça arrive, il commence à lui faire une piqûre, mais il s'avérait que le petit copain est arrivé. Et là, le petit copain de la meuf? Le petit copain de la meuf. Oh, ça, c'est bon. La totale. Voilà, la vache. Donc là, le mec se demande quoi? Voilà, il explique que les pompiers à sa maison. Donc le mec veut passer, donc nous on lui dit bonjour monsieur, vous faites quoi? Bah il dit je suis chez moi. Donc moi ticket direct, j'ai dit oula, on n'est pas dans la merde. Il dit, c'est dans une merde phénoménale. Je ne lui ai pas dit que c'était mon ami parce que bah voilà quoi. Le mec il regarde, il dit qu'est-ce qui se passe et tout, il sait pas c'est quoi. Donc bon on lui explique, écoutez, madame qui a eu c'est votre soeur ou quoi? Bah il dit non c'est ma femme. Oh putain. Alors là le mec, le pompier y arrive, il dit bon c'est bon pour la contraction vaginale, on va pouvoir évacuer. Le mec a commencé à péter un boulard, donc le mec faisait 1m80, il se faisait une baraque à frites, donc le mec a commencé à péter un boulard, bon bah il a fallu le maîtriser. Et puis là, je vois mon pote sortir en train de rigoler comme un gros malade, la meuf dessus sur le brancard. Donc tout le monde est sorti, ça a commencé à rigoler et tout. Donc de là, on va à l'hôpital. Et puis moi, du coup, on suit pour prendre les nouvelles. Attends, bouge pas, tu vas nous raconter les nouvelles dans un instant, Ludo, d'accord? D'accord, ok. Ne bouge pas là, surtout que je t'en prends dans un... Quelle histoire. Déjà, tu te fais tromper et en plus, tu la prends, t'as tout le merdier qui est là. Tout le monde le sait. L'ambulance, tout le monde est là parce qu'il y a ton. Le mec qui. L'amante ta femme qui est coincée à l'intérieur d'elle. Oh, c'est ouf. Quand je vous dis que c'est toutes des. Pardon la vache. Des femmes très recommandables. Des femmes qui ont des problèmes de vagin. Tout voilà. À fait, ouais. Oh la vache. Bon, on va en parler. On va également vous offrir l'iPhone ce soir. Hein. Ce sera dans un petit quart d'heure. C'est gentil. Le tirage au sort, pas pour toi. Ah sur bon. Le Facebook de l'émission. Si vous voulez tenter votre chance, venez nous rejoindre. C'est sur MIKL officiel. Vous faites un like sur la page Facebook de l'émission. Et puis, aussi, d'ailleurs, vous laissez un commentaire sur la photo où il y a l'iPhone. Je tirerai au sort parmi ceux qui auront mis un message sur la photo, tout simplement. Donc, MIKL officiel sur Facebook. Il y a Shunyo Ken qui dit vive la team Mikael qui est en fin de retour sur les ondes. D'abord, on n'est pas vraiment parti, Shunyo Ken. Caro qui dit bonsoir à toute l'équipe au taquet pour 4 heures de fou rire. Salut Caro. Seb de Quimper qui dit salut la camaraderie. On est là à l'écoute dans l'automobile, au calme, tranquille. Et salut Mimi Mati. Il va avoir 60 ans, ça passe vite. Je n'ai pas vu grandir. Oh, c'est drôle. Et timide Dieppe. Ça va. Bon, vos messages au 612, débuté par Mickaël. Et puis vous laissez votre numéro si vous voulez passer à l'antenne. Et 01 40 71 5000, numéro du standard. Vous appelez, vous passez. On écoutera le son de LP à suivre. Et il y aura aussi Soprano. Et à minuit 15, on va faire le son de DJ Snake et Justin Bieber. On écoute ça maintenant, on est sur Énergie. Bienvenue si vous venez d'arriver. C'est Mickaël sur Énergie, on est là de minuit à 4h tous les soirs. Et tirage au sort pour l'iPhone, ce sera dans un gros quart d'heure. Patience. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Say go through the darkest of days. Having to heartbreak away. Never let you go. Never let me down. Oh, it's been a hell of a ride. Driving the edge of a knife. Never let you go. Never let me down. Don't you give up. Nah, nah, nah. I won't give up. Nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. Don't you Allez, bonne nuit. C'est Mickaël, on est sur Énergie jusqu'à 4h. Parce que dans la vie, tu peux tout rater. Ta journée, ton dîner, ton mariage, tes examens, tes vacances. Tu peux tout rater, vraiment tout. L'erreur est humaine. Mais il y a une chose que tu ne peux pas rater. Ta nuit. Ta nuit. Si tu veux la réussir. Une seule solution. Mickaël, Toff, Polo et Amina sont là de minuit à 4h sur Énergie. Exactement, on est là d'ailleurs. Si vous voulez passer en direct, je vous le rappelle, 01 40 71 5000. On fera le canular du jeudi. Dans moins d'une heure, si vous voulez participer, il y a une Xbox One à gagner ou les bracelets connectés Fitbit. Si vous voulez piéger quelqu'un de votre entourage, par exemple, lui faire croire tout et n'importe quoi avec notre aide, bien entendu, vous appelez aussi au 01 40 71 5000. On va se mettre la pub en speed. Derrière, la nuit sans pub démarrera. Ah, bah voilà le retour de la nuit sans pub. Là, on va être bien. Et puis, on va aussi vous offrir votre iPhone, l'iPhone sur le Facebook de l'émission. Tirage au sort dans un peu plus de 10 minutes. Si vous voulez tenter votre chance, les retardataires, c'est sur le Facebook de l'émission. Vous venez nous rejoindre maintenant. Vous tapez M-I-K-L officiel et on vous tirera au sort peut-être dans quelques minutes pour vous offrir l'iPhone, tout simplement. Charlie Puth va arriver également. Et on va récupérer Ludo avec son, son histoire. Ludo, tu peux nous la faire en moins de 2 minutes, tu crois l'histoire, ou on te reprend après la pub? Ouais, tu peux m'en prendre après la pub. Bah, c'est mieux. Comme je suis routier, je vais décrocher, je raccroche et tu peux me reprendre après la pub, y'a pas de soucis. Eh ben écoute, on te rappelle dans 5 minutes, d'accord? D'accord, ok, ça marche. Bon, bouge pas, Ludo, je te reprends dans un instant. On se met la pub en speed, on revient juste après. C'est Mickaël sur Énergie. Bonne nuit, tout le monde.